Bienvenue tout le monde sur La POC. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi cette semaine, il est absent. le premier. Écoute, je partais pour le plugger Jerry, mais il est pas là. Jerry nous a lâché à la dernière minute, fatigué, dit-il. Il croule sous la pression. Mais heureusement, en solo, je ferai pas de show. Fait que je suis vraiment content de l'avoir avec moi. Un très bon chum, un pocket de la première. Et je l'adore. Avec moi, Sylvain Rioux. Salut, Sylvain! Hey, salut JB, comment ça va? Ça va très bien. Là, tu me dis avant même le début du show, là, aujourd'hui, j'ai le goût de faire une vraie montée de lait. Je te sens fébrile de te laisser aller pour de vrai à fond dans la POC. On va y revenir, là, mais j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, parce que sinon, il y en a qui vont fermer ça tout de suite, c'est sûr. Nous sommes au moment d'enregistrer le 11 janvier 2018. Le Canadien de Montréal est en ce moment même dans sa bye week. Demain, au moment d'enregistrer, ce sera le retour à l'entraînement et un premier match qui aura lieu samedi. Je ne ferai pas le tour là, de tout ce que le Canadien a vécu dans les dernières semaines. Simplement dire qu'ils ont eu des victoires dans leurs deux derniers matchs. Ont battu, entre autres, les Canucks de Vancouver, pas un gros club, mais quand même, et ont battu le Lightning de Tampa Bay. En ce moment, dans la Ligue nationale, écoute, le Canadien de Montréal est toujours, bien entendu, exclu de la course aux séries. On parle de 40 points en 42 matchs, et pour pouvoir atteindre les séries, il faut rejoindre les Penguins de Pittsburgh qui en ont 47 pour avoir une place comme Wild Card. Et en ce moment, il y a 1, 2, 3, 4, 5 clubs devant eux. Philadelphie, la Caroline, les Islanders, Floride et Détroit. Ils ne devancent que Buffalo et Ottawa au classement. Et là, ben, Ottawa, on parle de 1 point seulement d'avance sur eux. Disons que les probabilités de faire les séries sont très minces. Ça tourne autour de 1,8%, 2% là, selon les sites de calcul. Et les chances d'avoir Rasmus Dahlin sont autour de 5-6% en ce moment. Fait que ça vous dit à peu près où est-ce que le Canadien se trouve par rapport au restant de la Ligue nationale. Sylvain... Hey, en ce 11 janvier, là, ouais? On est-tu capable d'affirmer, tu sais, comme... Si la tendance se maintient. Oui, c'est ça, si la tendance se maintient. Puis moi, j'aurais même plus te dire que c'est pas si la tendance se maintient, c'est le Canadien, on tire sa plug. Ah, ben oui. Mais attends, là, avant de dire ça... Là, c'est fini, là. Faut dire ça prend que... minimum 55 points dans les 42 prochaines, dans les 40 prochains matchs. Et dans la Ligue nationale... C'est supposément être le seuil minimum de 95 points supposés pour rentrer en série. C'est ça qui manque. C'est impossible. Puis dans la Ligue nationale, si je me trompe pas, il y a comme deux clubs qui ont réussi à faire ça. Il y a Tampa Bay puis Vegas en première moitié de saison. Fait que fallait que le Canadien réussisse à accoter en termes de performance pour la deuxième moitié ces deux équipes-là qui ont eu des débuts de saison extraordinaires. Fait que ça arrivera pas. Mais, écoute, déjà, là, d'entrée de jeu... On vend du rêve. On vend du rêve. On revient avec la conférence de presse de Marc Bergevin parce qu'à la mi-saison, avant le bye week, le Canadien a organisé une conférence de presse. Monsieur le DG s'est pointé devant les journalistes pour faire son comme un genre de... Même si c'était à demi-mot, faire un bilan de saison. Puis lui, il a dit, moi, là, je suis un fighter. Je baisserai pas les bras. Pour moi, c'est pas terminé. On vise toujours à faire les séries. J'ai pas abandonné, puis je veux pas que mes joueurs abandonnent non plus. Toi, je vois que t'as abandonné, là, mais si vraiment Marc Bergevin n'a pas abandonné pour cette saison-ci, puis qu'il est pas déjà en mode, hey, l'an prochain, qu'est-ce que je fais là, pour avoir un club là, qui a plus d'allure ou... C'est quoi mon plan à plus long terme? On s'entend qu'il n'y a pas sa place comme DG. Là. S'il n'est pas plus allumé que ça, entre guillemets, on est dans le trouble. Ben écoute, si tu me passes à la conférence de presse, c'est pas mal là que je m'en vais avec une montée de lait. OK, vas-y. Écoute, bon, là, dans des podcasts précédents, il lui est arrivé de pousser un ou deux petits sacres une fois de temps en temps. Un petit juron, là, des petits mots d'église. Puis j'en ai entendu parler. Fait que là, on va faire un avertissement tout de suite. OK? Dans les prochaines 2 ou 3 minutes, il va sûrement en avoir d'autres. Si vous avez des enfants, envoyez-les prendre une marche. Il n'y a personne qui nous écoute avec des enfants. Personne. Okay. Je te le dis tout de suite, là. Fait que vous êtes avertis. Je vais essayer quand même pas, mais ça va être dur. Parce que quand on me prend pour un cave, j'ai bien de la misère à rester calme. T'as de la misère à faire comme ce que l'Église veut, là, que tu tendes l'autre joue. Tendes l'autre joue. Ouais, puis tu sais, les gens qui nous suivent savent que je suis un ancien fan du Canadien. J'ai abandonné le Canadien il y a 2 ans. Je l'y suis encore, évidemment, parce que, un, j'aime le hockey et je vis dans la région de Montréal. Donc, c'est impossible de vivre en marge du Canadien de Montréal. C'est complètement impossible. Bien que j'ai essayé, j'ai réalisé que c'était complètement impossible. Mais moi, écoute, puis regarde, là, je cherche mes mots parce que ça me fait capoter. Comment que... Puis tu sais que lui, à la limite, il y croit. Moi, je n'y crois pas vraiment. Là, je pense que même lui, il sait que ça marche pas. Là, il y a même, tu sais, à Montréal, on va tellement loin dans l'analyse et dans le tout. En plus que là, c'était une semaine off après ça, là, qu'il y a des synergologues qui sont prononcés puis qui disaient que, tu sais, dans la façon qu'il se tenait, ça paraissait qu'il était pas confiant, qu'il y avait des gros doutes puis tout le kit. J'embarquerai pas là-dedans, mais tu sais, je pense que... Ah, il se tenait le mollet gauche pendant cette phrase-là. Ça, ça veut dire qu'il est stressé. Il était rentré par en dedans, c'était ci, puis c'était ça. Puis ouais, tout ça. Bref, mais tu sais, on n'a pas besoin d'eux autres pour savoir qu'ils nous bullshitaient. Puis mais tu sais, en fait, c'est comme en deux temps. Au début de la conférence de presse, je me disais, hey, je le trouve quand même... honnête, il répond aux questions qui étaient somme toute gentilles. On va se dire les vraies choses. Y a-t-il des fois des questions avec du mordant? ben, pas vraiment. Non, hein? C'est qui a sorti? Ah, c'est Ross Amber, la semaine passée, que tu as partagé sur la page de la POC, ouais. Justement. Que Ross Amber, qui est un analyste de boxe, a sorti que l'équipe PR du Canadien a envoyé à tous les médias de s'assurer que leurs journalistes restent dans les rangs et qu'ils ne parlent pas en mal du Canadien. Donc, Ross Amber a pu sortir ça parce qu'il n'est pas affilié à aucun réseau, il n'a à peu près rien à voir avec le Canadien, avec Kevinko, avec rien. Donc, il a pu le sortir. Puis, de toute façon, ça, c'est le genre d'information que Luc Gélina avait déjà sorti à l'époque aussi, qui disait que quand tu n'étais pas trop fin avec le Canadien, que tu te faisais rencontrer, c'était pas très rapide, que c'était pas trop long. Donc, tu sais, tu peux pas poser la vraie question, tu sais. Parce que, évidemment, si tu lances le monde-là dans le free-for-all, c'est sûr et certain, je demeure convaincu que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui aurait remis sur le nez à Marc Bergevin ses déclarations au camp d'entraînement qui disait que ma défense. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui aurait mis sur le nez. Mais tu peux pas faire ça. Ben, en fait, si tu le fais, ça équivaut un peu à un suicide professionnel. Oui. C'est-à-dire que tu pourras plus travailler pour n'importe quel des médias qui touchent aux Canadiens. Donc, finalement, pour personne, tu sais, c'est comme un petit peu ça. Fait que, tu sais, tu peux pas, là, parce que tu vas te faire tasser, c'est assez évident. Mais moi, où est-ce que j'ai débarqué? Parce que jusque-là, moi, ça allait. Je suis comme, OK, tu sais, je comprends. Tu sais, je connais la game, là, tu sais. Mais moi, où est-ce que j'ai débarqué? Quand Marc de Merdevin, parce que c'est comme ça que je l'appelle à cette heure, quand il a commencé à vouloir nous appeler, quand il a sorti son espèce d'exemple avec le Lightning de Tampa Bay, qui sort son exemple en disant, ben, voyez que le Lightning n'a pas fait grand-chose l'été passé, mais juste le fait que Stamkos est revenu en santé, ça en a fait une équipe contender, en dedans de moi, j'ai fait « fuck you la mauvaise foi ».« Fuck you la mauvaise foi » parce que on va s'entendre là, que le Lightning bâti sur du solide depuis plusieurs années. Ils se sont débarrassés de leur gardien surpayé, vieillissant, toujours blessé, pour donner la chance à Vasilevski. Puis on semble oublier qu'il a quand même ajouté Sergachev, même si c'est pas le bon Dieu, comme certains fans de Montréal l'essayent de faire croire. Là. C'est le meilleur joueur au monde. C'est ça, mais tu sais, sortez-vous ça tout de suite de la tête. Là. Sergachev, à Montréal aurait sensiblement la même utilisation que Victor Mété cette saison. OK? Il n'y aurait pas plus de points que Jonathan Drouin. Puis sortez-vous ça de la tête tout de suite en partant, là. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement malhonnête quand il dit ouais, ben juste Steven Stamkos qui est revenu, ça a déjà fait d'eux autres une meilleure équipe. Ben, okay? Faudrait de base que tu en aies un équivalent à Montréal, là. Voilà. Faudrait. Il est où ton Stamkos, toi? OK, bon. Et deuxièmement, le gros du problème, c'est que, OK, si je me fais à toi, mon beau Marc, ils n'ont rien ajouté. Mais par contre, est-ce qu'ils ont perdu leur défenseur numéro 2? Est-ce qu'ils ont perdu leur meilleur ailier aussi? Ça, c'est malhonnête. Ouais. Tu sais, de dire qu'ils n'ont rien ajouté, il y a un pas que déjà, tu dis, oui, OK, ils ont juste ajouté Sergachev. Mais déjà, c'est ajouter quelque chose de quand même assez massif. Mais de pas mentionner des pertes de ton équipe, ça, on tombe dans le malhonnête solide, là. Écoute, c'est tellement malhonnête. Parce que, écoute, là, c'est pas... Hey, t'as perdu Radulov et Markov dans la même... Tu sais, dans cet été-là. Puis, qu'est-ce que t'as trouvé pour les remplacer? À la limite, on peut dire Drouin pour Radulov, mais il t'a quand même coûté un défenseur. Fait que, à la limite, mais encore là, tu t'entêtes à ne pas le faire jouer à sa position. Et tu l'admets pendant la même conférence de presse. Tu as le culot de dire, ouais, finalement, il est comme pas à sa place, mais bon, je n'ai pas le choix, fait que moi le faire jouer là. Puis le pire, c'est que. Ce qui est complètement ridicule. Dire qu'il n'y a pas le choix, là, c'est complètement faux. Puis d'ailleurs, je pense que c'est Bélanger, Éric Bélanger à Ongeas qui disait. Ah, mais tu sais, je suis pas le plus grand fan de Galchenyuk, mais il y avait quand même un point par match à cette position-là, ce que Drouin a pas en ce moment, tu sais. Puis l'équipe est déjà éliminée des séries, sauf que, puis ça, moi, je le mentionne depuis quand même un bon bout de temps, j'ose croire que c'est pas une question de « sont pas capables d'évaluer du talent ». J'ose croire que c'est pas ça. J'ose croire que c'est pas le but, c'est de perdre volontairement. J'ose croire que c'est pas ça. Par contre... Je pense sincèrement qu'il y a de l'orgueil dans cette prise de décision-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent heurter ton orgueil quand faut que tu avoues que ben, le joueur que tu as été chercher en transaction, c'était pour le mettre au poste de centre et tu t'es trompé. Que tu as utilisé ton meilleur asset pour aller chercher un centre qui s'en révèle ne pas en être un. Donc, ta meilleure monnaie d'échange, tu l'as liquidé pour quelque chose que tu avais déjà des surplus. On a des surplus aux ailes. Je te dis pas que c'est de la qualité tout mur à mur, mais tu as des surplus d'hommes qui sont capables de rentrer à ces positions-là, plus ou moins dans les bonnes chaises. Il n'y a pas grand monde qui sont pas assez à la bonne place. Et en prime, l'orgueil, c'est de dire « Ah, ben là, Galchenyuk, on veut plus que ce soit un centre. » Mais on n'est pas mieux équipé. Fait que si on le remettait là, ça serait avoué qu'on a volontairement pas mis le gars qui était le plus efficace à cette position-là pour faire de la place à Drouin, qu'on a payé le gros prix, puis qui n'est pas vraiment un centre. Tu sais, moi, là, plus ça va, là, plus que je regarde Marc Bergevin et sa gestion des effectifs, puis ça me fait penser à un vieil épisode classique des Simpsons, là, quand que Lisa fait une expérience sur son frère, à savoir est-ce que son frère est plus intelligent qu'un hamster, puis qu'elle plug du courant électrique sur un cupcake, puis que le hamster comprend après deux coups, ouais, non, OK, ça marche pas, je me fais mal à chaque fois que j'y touche, mais Bart, il passe son temps à vouloir essayer d'y toucher pareil, puis il a pogné des chocs, le kit. Mais Marc Bergevin, dans cet exemple-là, c'est Bart Simpson. Ouais. Ça marche pas, mais il m'a essayé d'y aller pareil. Si. Et tu as tout à fait raison dans ce que tu dis que tu oses espérer que c'est pas parce qu'ils connaissent pas leur hockey, que c'est pas une mauvaise gestion du personnel, que c'est seulement de l'orgueil puis de l'ego. Ben, c'est trois belles raisons de ta faire. C'est dehors. Tu veux, là, je me censure. Là. Mais, tu sais, c'est trois belles raisons pour te faire sacrer dehors, là. OK? Parce que si c'est parce que tu évalues mal ton monde, ben, t'as pas ta place là. Puis si ton ego, si t'es pas capable de mettre ton ego de côté pour faire avancer ton équipe, c'est parce que t'es pas dans la bonne chaise. Mm-hmm. t'es pas dans la bonne chaise. Puis, il serait temps que celui qui signe son chèque de paye s'en rende compte. Mais déjà, lui-même, t'sais, le gars qui signe le chèque de paye, Jeff Molson, a pas il est trop orgueilleux pour avouer que lui-même ne s'est pas placé à la bonne place en tant que président. C'est la seule équipe de la Ligue nationale dont le président est aussi le propriétaire du club. Puis on a vu les dommages que ça a pu faire à Long Island puis à Edmonton pendant de nombreuses années, là, d'avoir le propriétaire qui s'impose trop dans les décisions au hockey. Oui, c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais. Je veux bien que Jeff Molson soit né au Québec puis qu'il ait suivi le Canadien toute sa vie. Ça en fait pas plus qu'un fan de hockey comme toi et moi, là. Non, ben, c'est exactement ça. T'sais, c'est un fan de hockey qui a toujours eu des meilleurs billets que toi et moi. En gros, là, c'est pas mal ça. Oui. Tu sais. Puis, tu sais, il a grandi avec toute cette poutine interne-là. Connaît. Bref, c'est. Tu sais, c'est toujours plus facile, justement, quand l'entreprise n'est pas à toi. Si toi, tu es juste le président, c'est beaucoup plus facile quand c'est pas toi qui signes les chèques, quand tu ne sors pas ça de ta poche, de faire comme moi. Mon DG qui a encore un contrat pour 4 ou 5 ans à X millions par année, si je le sac dehors, je suis obligé de le payer. Puis si le nouveau DG met le coach dehors, ben, j'ai encore 3 ans d'un salaire de 6 millions par année. Fait que, tu sais, je viens de pitcher 40 millions d'inzers de même. Mm-hmm. Quand c'est pas toi qui signes le chèque, quand ça sort pas de ton compte de banque, cette décision-là est beaucoup plus facile à prendre. Parce que t'as pas ce, ouais, là. Ouais. OK, si je fais ça, ça me coûte 40 millions. Puis dans sa tête à lui, à Jeff, c'est pas encore le temps de le faire. Parce qu'il y a encore du monde qui est prêt à payer 100 piastres le billet. Qui est prêt à payer 12 piastres pour une bière, 25 piastres pour le parking. Tant que le Centre Bell va être plein, ou qu'ils vont nous faire à croire qu'il est plein, parce qu'il n'est plus plein, là, mais il est assez plein encore pour engranger une bonne marge de profit. Tant que ça va arriver, il ne réagira pas. La journée qu'on va se retrouver avec 2, 3, 4 000 sièges vides, ben, à ce moment-là, il va probablement être trop tard. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai 42 ans, ça fait longtemps que je suis que je suis le hockey, que je suis les activités du Canadien. J'ai connu les années de Vachemec du Canadien au tournant des années 2000, là, après le passage de Réjean Houle qui avait tout démoli. J'ai connu ces années de Vachemec-là. Je vais juste te donner un exemple. On parle de 2004-2005, juste au début de l'ère Gillette, parce que juste avant que ça recommence à bien aller, je m'abonnais au magazine Le Canadien, pas parce que je trouvais que c'était une lecture intéressante, parce que ça me coûtait genre 25 ou 30 piastres par année, et on me donnait une paire de billets. Tu comprends-tu? Oh, ouais. Dans ma tête à moi, c'était même pas pour les revues, c'était « Hey, j'ai une paire de billets pour 25 ou 30 piastres ». Ça va peine. Ben, c'était là qu'on était rendu. Puis tu voulais avoir des billets de saison, ben on t'avais pas à te mettre sur une liste puis à être en attente puis à te donner de l'argent toutes les années même si t'as pas de billets. T'appelais puis on te les proposait puis on donnait même un massage thaïlandais avec là. Avec un happy ending. À défaut d'en avoir dans la saison d'hockey. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tandis que là, ben là, ça l'a changé. Là, tout ce qui se passe, c'est que finalement, on t'offre pas vraiment à happy ending, mais quand tu sors du Centre Bell, j'ai l'impression que tu pourrais tweeter le hashtag moi aussi parce que tu viens de te faire abuser. Moi, j'ai une couple de questions là, par rapport à te souligner le fait que probablement que Jeff Molson n'est pas prêt, lui, à congédier Marc Bergevin, mais tu sais, il y a d'autres hommes de hockey. Là. Si c'est pas Marc Bergevin que tu tasses, il y a d'autres options. Il y a d'autres mondes qui sont là dans son entourage. Tu sais, je pense à Rob Ramage. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la publication que j'ai fait avec la page Facebook de la POC pour les questions sur le show, le gars, si vous l'avez pas reconnu, c'est Rob Ramage. C'est un petit clin d'œil. Il y a aussi, là, tu sais, il y en a plein, là, qui sont dans l'entourage canadien. Est-ce que ces gars-là sont encore de bons conseils? Parce que il me semble que l'évaluation qu'on fait des joueurs dernièrement, qu'on va chercher en transaction, quand c'est pas des joueurs de troisième, quatrième trio, c'est plutôt déficient. Je suis pas sûr qu'on conseille encore selon où est-ce que la game est rendue. Puis même l'embauche de Claude Julien, pas sûr que c'est où est-ce que la game est rendue là, en termes d'embauche. Oui, mais tu sais, l'embauche de Claude Julien, je ne la défendrai pas. J'ai jamais été un fan de Claude Julien. Je ne la défendrai pas. Par contre, il faut que les gens se mettent en tête que tant qu'à Montréal, le petit peuple n'acceptera pas d'avoir un coach qui ne parle pas français, ben tu viens de réduire ta banque de candidats potables de 60%. Tu viens de réduire ça considérablement. Mm-hmm. Tout ça pour une question de langue. Est-ce que le coach des Expos parlait français? Est-ce que le coach des Alouettes ne parle pas français? Non. Est-ce que le coach de l'Impact parle français? Ben non. Les journalistes, ils vont. Puis à Sport 30, ben tu vois des sous-titres, puis il n'y a personne qui chale, puis ça finit là. Est-ce que Tau Blake? Parce que là, le monde, ils vont dire, ouais, mais c'est pas pareil avec les Alouettes. Est-ce que Tau Blake parlait français? Est-ce que Scotty Bowman parlait assez bien français pour faire ses conférences en français? Mais non. Le hockey, tout se passe en anglais de toute façon. Ça n'a aucun lien. Donc, en te fermant à l'idée que ça prend absolument un coach francophone, ben, tant que tu restes dans cette optique-là, ben, tu te ramasses à toujours réembaucher le même monde, finalement. Mm-hmm. Oui, puis je reviens à la conférence de presse. Là, dans les sujets qu'il a abordés de Marc Bergevin, il y a quand même la question de la reconstruction. Où est-ce que... qu'est-ce qu'il était pour faire? C'est quoi son plan pour l'année prochaine? Puis, tu sais, on s'entend, là, reconstruction, il n'a pas voulu utiliser le terme. Il a utilisé plutôt « reset ». Écoute, moi, quand je faisais ce reset sur ma console quand j'étais jeune, ça redécollait la game à zéro. Fait que je sais pas si c'est censé être différent de reconstruire, mais en tout cas, je peux poser des questions. Mais mettons qu'on évoque un reset, un retool, un rebâtissage, whatever, tu sais. Y a-tu. C'est quoi ta marge de manœuvre si tu décides déjà d'emblée que. Écoute, Carey Price puis chez Weber, tu pourras pas y sortir. Parce que, semble-t-il, c'est pas mal l'ensemble de la population. Il y a à peu près rien que moi qui est prêt à les échanger, j'ai l'impression. C'est quoi ta marge de manœuvre? Tu vas aller chercher quoi? Tu vas échanger Plekanec puis tu vas espérer avoir un gars qui va te changer ton équipe l'année prochaine? Ben, c'est que le problème, c'est qu'en partant, si tu parles de reconstruction, tu ne peux pas reconstruire avec celui qui a démoli ta fondation. Oui, ça, j'arrête pas de te le dire à toi et fois, moi, ça sous-entend que Bergevin n'est pas là. C'est ça. Si Bergevin reste en poste, parlez-moi pas de reconstruction, il va scraper ça aussi. Oui, c'est ça. Puis là, tu vas te retrouver vraiment dans la chenoute. Mais dans l'optique où est-ce que Molson met ses culottes puis fait comme, OK, c'est assez de niaisage, puis il se présente devant les journalistes puis leur dit, OK, là, ça fonctionne pas. Présentement, on va entamer une phase de reconstruction. Soyez patients avec nous. Ça va prendre 3, 4 ans, 5 ans, whatever, mais on va rebâtir sur des bonnes bases. Je suis convaincu qu'en faisant ça, il s'achète justement 4 ou 5 ans de paix parce qu'il va avoir été honnête avec le monde. Mm-hmm. Il va avoir été honnête avec le monde. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vouloir remplir le monde puis de protéger l'image. Il n'y en a plus d'image à protéger. Tout ce que vous faites en ce moment, c'est que vous essayez de faire du damage control, mais il n'y a plus de damage control à faire. Là. Ouais. C'est plus le temps d'ériger des murs de sacs de sable. L'eau, elle rentre partout dans la maison, dans les fondations, partout. Lâche tes sacs de sable puis va t'acheter une pompe pour tout ressortir. Oui. Puis, tu sais, s'il y a une affaire qu'on se fait tout le temps dire, « Ah, le Canadien peut pas reconstruire parce que faut faire les séries à tous les années. » Ben, écoute, dans les 3 dernières années, le Canadien a pas fait les séries 2 fois. Puis la fois qu'ils ont fait, ils sont fait sortir en première ronde. Oui, puis, tu sais, moi, je leur réponds toujours, pourquoi est-ce que Toronto a été capable de le faire et Toronto a gardé son prix des billets? Oh, quand même, il y avait quand même du monde. Pourquoi? Parce que Toronto a été honnête avec les gens. Oui. Mais ils ont fait un vrai redémarrage avec une nouvelle garde à la tête de l'équipe. Ils ont voilà. pas attendu que... Parce que, tu sais, il y avait... c'était... voyons. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il est rendu à Pittsburgh. Jean Blanc. Phil Kessel, tu sais, qui n'était pas oui. un mauvais joueur, ils ont quand même décidé de l'échanger. Ils ont gardé seulement des vétérans qui avaient des quadris, des GVR, qui avaient 25 ans, 24 alentours, vraiment, qui pouvaient rester dans le noyau puis être bon au moment où est-ce que l'équipe serait, elle, prête à accéder au prochain niveau, tu sais. Fait que si tu décides que tu fais une reconstruction, pour moi, ça implique d'échanger Weber et Price. Parce que si tu fais, tu sais, le retool, là, ou le reset, là, comme les gens semblent mentionner que c'est une option qui est adéquate, là. OK. Bon. T'échanges, mettons Plekanec. Tu vas avoir quoi? Si t'as un choix de première ronde, on s'entend que t'as un choix qui va être dans les quatre derniers de la ronde. À peu près. Ouais. Ben, les quatre derniers de la ronde, là, ça te donne plus souvent qu'autrement un Sherback, un McCarron qu'un Getzlaff. On va se le dire. Là. Oui. Parce que ça arrive qu'un Getzlaff qui se ramasse là, un Tarasenko qui est plus loin. Mais ce sont des oui. exceptions plus que la règle. Alors, tu sais, on s'entend. Là, oui, Sherback cette année, il y a une bonne année dans la Ligue américaine. McCarron, pour moi, je pense que c'est over. Là. Il sera jamais un joueur d'impact dans mais la Ligue nationale. S'il est capable de pivoter sur une base régulière, un quatrième trio, je vais être déjà bien content. Et ça fait 3 voire 4 ans qu'ils ont été repêchés chacun. On s'entend-tu que échanger Plekanec pour un choix qui va te donner peut-être quelque chose dans 3-4 ans, ça t'avance pas plus pour la saison prochaine. Si t'échanges Pacioretty, là, t'es déjà plus capable d'avoir peut-être quelque chose qui va t'aider peut-être dès la saison prochaine, mais encore là, c'est pas totalement sûr. Les seuls qui sont en mesure de te permettre d'aller chercher des éléments qui seront jeunes, dynamiques et qui vont te permettre de diversifier ton talent, c'est d'échanger Price et Weber. Mais ça implique que ta fenêtre pour la course cette année, tu la retardes. Parce que les gens qui me parlent de reset, c'est pour avoir une fenêtre pour la Coupe cette année dans 3 ans. Si tu échanges Pacioretty puis Plekanec pour des éléments, comme je te dis, ils seront pas prêts pour être dominants et offrir à peu près le même niveau dans 3 ans. Puis dans 3 ans, ça veut dire que Price va avoir 33 ans, 34 en fait, et que Weber va en avoir 35. Non. Ils seront plus à leur pic. Puis si en plus tu décides que OK, on fait ça, si tous tes éléments sont pas à la même place au même moment, ça te donne rien. Price à 33-34 ans ne sera plus le gardien de but dominant. Fait que ça te donne quoi d'avoir un jeune centre qui est capable de faire un point par match si le gardien de but il arrête plus époque? Ça te donne quoi pendant ce temps-là? En attendant que ce joueur-là arrive, d'avoir un gardien de but qui goal sa tête, mais qu'il n'y a personne qui la met dedans, puis qu'on a une saison sur deux qu'on fait pas une série, comme on a en ce moment. Tu perds ton temps. C'est sûr et c'est certain. Puis de toute façon, n'importe qui parle de reconstruction et qui, dans la même phrase, va te mettre un time-lapse de 3 ans, il ne vit pas sur la même planète que le restant du monde. Parce que c'est impossible, à moins... Il y a seulement des prospects élites qui sont capables d'avoir un impact à l'intérieur de 3 ans à la suite de leur repêchage. C'est ça. Tu peux faire un reset si, dans la Ligue américaine, tu as 3-4 bons prospects que tu sais que, OK, j'en ai 2 qui vont jouer sur mon top 6, j'ai un défenseur pour mon top 2, puis j'en ai un pour mon top 4. Là, tu peux dire, OK, en échangeant ma base de vétérans, puis en repêchant bien, en dedans de 3 ans, tu peux redevenir compétitif, oui. Mais c'est pas le cas du Canadien en ce moment. Il y a rien en bas. OK? On a beau me parler de Sherback. Sherback, dans le meilleur de son développement, ça va être un bon ailier de deuxième trio. Dans le meilleur de son développement. Ouais. Ah oui. Top 6 par la peau des dents. Et McCarron, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai jamais aimé ce gars-là. McCarron, pour moi, c'est ça aurait été un excellent choix en 1995. Quand les gars étaient gros, ça accrochait, c'était pas vite. Il aurait été un choix parfait. Puis justement, il se serait pas rendu jusqu'au choix du Canadien, probablement. Probablement, oui. Fait que, tu sais, fait que non, t'as pas cette base-là. Tu sais, Mété est bien bon, mais... Il pourra jamais être en mesure de transporter une défensive à lui seul. Non, Mété va être un bon gars pour solidifier ton top 4. Tu sais, pour jouer sur ta deuxième paire ou, une fois de temps en temps, pour pivoter ton premier avantage numérique, tu sais. Et c'est très bien, là. T'en as besoin des gars comme ça. Tu sais? Mais c'est évident. Puis un petit peu plus tôt, toi, tu parlais, quand on parlait de Toronto, t'as parlé de l'exemple de Phil Kessel qui a été chassé de Toronto à coup de pied dans le derrière. C'est pas un mauvais joueur, Phil Kessel. Non. Et la situation de Phil Kessel, je peux pas croire que je vais dire ça, je vais presque faire un compliment à Max Pacioretty, mais la situation de Phil Kessel est similaire à celle de Max Pacioretty. Max Pacioretty, comme Phil Kessel n'avait pas la coin assez dure pour être the guy à Toronto, mm-hmm. dans un marché difficile, puis il avait pas tissé sur son chandail, lui-là, là. OK? Mais déjà là, c'était trop pour lui. On l'échange ailleurs ou est-ce que là, il est entouré? Tu sais, c'est pas le gars. Il passe en arrière de Malkin et Crosby. Et qu'est-ce qui se passe cette année? Il y a une meilleure saison que ces deux gars-là. Mm-hmm. Tu sais, Phil Kessel est dans le top 5 ou proche du top 5 des meilleurs marqueurs depuis le jour 1 de la saison 2017-2018. Ça a été, et pour moi, l'année passée, c'était questionnant, mais il y a 2 ans, la première des 2 conquêtes des Pingouins, c'est Sidney Crosby qui a eu le joueur le plus utile en série. Pour la majorité des gens, ça aurait dû être Phil Kessel. Mm-hmm. Parce que ça a été clairement lui. Donc, on voit que le changement d'environnement et un changement dans ses responsabilités a remis sa carrière sur les rails. Donc, je suis pas d'accord avec toi que Max Pacioretty a aucune valeur. Non, selon moi, écoute, Max Pacioretty, j'ai jamais dit qu'il avait pas de valeur. T'es capable d'aller chercher. Non, non, je sais, mais Max Pacioretty, pour moi, t'es capable d'aller chercher un bon prospect et un choix de première, peut-être 2 choix de 2e si t'as pas un choix de première. Tu sais? Ben, selon moi, t'es capable d'aller chercher ça. Puis si tu repêches bien, il y a moyen que tu sais déjà là tu vas être chercher une bonne base. Ouais. Si les planètes s'alignent, moi je suis pas mal convaincu que tu es capable d'aller chercher une bonne valeur. C'est juste que si tu décides que ton retool c'est seulement d'échanger Plekanec puis Pacioretty comme on entend parler en ce moment, pas sûr que ça sert à quelque chose. Il y avait à Onjaz Chris Boucher qui est un gars de stats avancé qui mentionnait que pour un chat, tu sais, il pourrait avoir de l'intérêt. Mais t'es pogné avec, là, t'as encore 3 ans de contrat. Un Petrie, faudrait que tu l'échanges là, mais t'auras rien en haut d'un 2e. Un Osner, c'est là que faudrait que tu l'échanges, mais il n'y a aucune valeur. Mais non, parce que tu viens de donner un contrat de 6 ans. Ouais. Puis, tu sais, quand t'as cette discussion-là, il y a beaucoup de gens qui parlent, tu sais, que, ouais, mais là, si on fait une reconstruction, faut pas que ça soit Timmins qui s'occupe de faire cette job-là. Moi, je vous dirais que Timmins, là, plus souvent qu'autrement, on lui a pas donné les outils pour faire sa job. Merci, JB. Tu me voles tu me voles les mots de la bouche. C'est exactement où est-ce que je m'en allais. Parce que Timmins reçoit beaucoup de schlout. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est regardez les repêchages de Timmins avant Bergevin. Et regardez les repêchages de Timmins depuis que Bergevin est là. Pourquoi avant, il était capable d'aller te chercher des Gallagher, des Hudon, qui ont tous été repêchés sous l'ancien régime? Pourquoi il était capable d'aller te... Hey, quand dans la même année, OK, je sais que c'est exceptionnel, mais on a ressorti cet article-là de notre bon ami Gaston, qui chialait que le Canadien n'avait pas choisi Angelo Esposito, qu'à la place, il avait choisi 3 jambons que Gaston avouait lui-même ne pas connaître. Trois jambons dans les 50 premiers rangs du nom de Ryan McDonagh, Max Pacioretty et Piqué Subban. Quand... C'est ordinaire, dans, ça. Quand dans deux rondes, tu es capable d'aller chercher deux des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue, plus un marqueur de 30 buts. Excuse-moi, mais je pense que tu as fait une bonne job. Oui, oui. Puis moi, c'est... Parce que tu vas chercher un de ces éléments-là par année dans un draft, tu es un excellent dépisteur. Oui. Puis ceux qui vont dire que Timmins, écoute, son exclu cette année-là est plutôt ordinaire, moi, je te dirais, puis c'est là que je mentionnais, on lui a pas donné les outils, je vais remonter là, quand même. Tu sais, à partir de... on enlève 2007. Le draft 2008, mauvais draft, ça n'a pas donné rien d'intéressant. Il n'y a pas un joueur qui a fait une game dans la Ligue nationale. Sauf qu'il n'y avait pas de premier choix. L'année d'après, en 2009, pas de choix de deuxième. Son premier choix lui a été imposé, Louis Leblanc, et les gens ont bien beau dire que c'est un flop. Il a joué 50 matchs dans la Ligue nationale et il a juste d'avoir foulé la glace de la Ligue nationale, c'est dans un draft, moins de 50% des joueurs sélectionnés qui vont réussir à l'atteindre. Fait que, regarde, pour moi, c'est quand même une réussite. L'année ouais. d'après, en 2010, il n'y avait pas de choix de 2, pas de choix de 3. Et malgré tout, dans cette séance de repêchage-là, il y a trois gars qui ont fait la Ligue nationale sur les 5 picks qu'il y avait. Tino Hardy en première ronde, Morgan Ellis, qui a joué 3 matchs, et Brendan Gallagher en 5e. Mais on s'entend. Gallagher, c'est un choix de 5. C'est peut-être pas un choix qui est très sexy. On oublie souvent que c'est un choix de 5 parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans l'équipe que puis c'est une pièce importante qu'on oublie que c'est un choix qui était très, très lointain. L'année d'après, ouais. en 2011, pas de choix de 2, pas de choix de 3 encore une fois. Tu vois-tu, il y a comme une tendance. On lui donne un choix de 1. Nathan Beaulieu, presque 300 matchs dans la Ligue nationale pour un défenseur qu'on trouve ordinaire. Et Darren Dietz, qui est un choix de 5e ronde, qui a joué aussi dans la Ligue nationale. On est à 2 sur les 8 joueurs repêchés. Je vous rappelle, là, c'est un choix sur 2 à peu près en moyenne qui va atteindre la Ligue nationale. On parle pas d'avoir un gros impact, là, de jouer. Fait qu'à une game, t'es dans la forte stats. Ouais. L'année suivante, 2012, Alex Galchenyuk, Sébastien Kohlberg et Dalton Schroer qui ont été les choix de première et deuxième ronde. Galchenyuk, à ce moment-là, avec Forsberg, est l'un des deux meilleurs joueurs de ce repêchage-là. C'est pas de la faute à Timmins si c'est un repêchage qui était extrêmement faible. Et Sébastien Kohlberg, ce que les gens oublient, c'est qu'il a permis d'aller chercher Vanek. Exactement. Fait que même s'il n'a pas joué dans la Ligue nationale, c'est une ressource qui avait une valeur dans la Ligue nationale. 2013, exactement. On continue. Il y avait des choix de 1 et de 2 à pocheter. Même des choix de 3. On avait un choix de 1, qui est McCarron, qui a joué dans la Ligue. Choix de 2, Delarose, Foucalé, Lekkonen. 2 sur 3 qui ont joué dans la Ligue nationale. Après ça, tu as Chris et Andri Ghetto. Ah, un choix de 3 qui était, soit dit en passant, un late, parce qu'il était disponible l'année d'avant au repêchage. Il n'avait pas été ouais. sélectionné. Timmins l'a ramassé en troisième ronde et il est en train d'éclore pas à peu près du côté du Colorado cette année. Mais c'est pas parce qu'il n'est plus dans l'équipe du Canadien qu'il n'est plus dans la fiche de réussite de Timmins. On s'entend, là. Exactement. T'sais, McDonough, c'est pas parce qu'il n'a pas joué à Montréal que c'est pas un bon joueur et qu'il n'a pas été un choix de Timmins. Non. Le draft de 2015, on s'entend que c'est encore tôt. Il y a Juleson qui devrait jouer dans la Ligue nationale éventuellement, qui est un défenseur. Juleson, ça va être un bon gars de top 4. Ensuite, donc c'est le seul qui a une possibilité de jouer dans la Ligue nationale, mais encore là, cette année-là, pas de choix de deuxième ronde. 2016, c'est le draft de Sergachev. 9e, probablement le meilleur défenseur de la QV, a permis d'aller chercher Drouin. Je suis pas tant d'accord avec la transaction, mais Drouin est un joueur de talent. Il est juste pas employé à bonne place. Mais Sergachev, déjà une cinquantaine de games dans la Ligue nationale à sa première, deuxième année de possibilité. Un choix 9e au total. Pas de choix de 2 cette année-là. Et Victor Mété, choix de 4e ronde qui a fait de la Ligue nationale. Fait à chaque année ou presque, il y a des munitions en moins dans les mains de Timmins. Pas de choix de 2 régulièrement, pas de choix de 3 régulièrement. Je veux bien là, que le pipeline n'est pas très, très rempli, puis que ça a l'air d'être la faute à Timmins. Mais tu peux pas dire d'un côté, « Hey, on n'a pas d'espoir, ça nous donne pas de marge de manœuvre. » Et de l'autre côté, dire « Ouais, mais on veut faire les séries, puis qu'à chaque année, on est acheteur à la date limite des transactions. » Mais tu veux pas sacrifier tes éléments qui sont dans le club. Tu veux les utiliser. Mais t'as pas de prospect. Fait que qu'est-ce que tu donnes? Ben, des choix repêchage. Puis tu veux garder ton choix de première parce que sinon, ça paraît mal. Fait que tu donnes des choix de 2 et 3. Fait que ça te fait en sorte que ben, t'as pas de pipeline. T'as pas de prospect qui s'en viennent. Non. Et faut pas oublier n'importe qui est un peu au courant de comment ça fonctionne dans la LNH, le choix de première ronde, habituellement, c'est le choix du GM, du directeur général. C'est un bon GM va avoir écouté tous ces gars, mais très souvent, c'est sa sélection à lui. Et c'est pour ça que très souvent... Ça, c'est quand c'est pas le propriétaire qui s'en mêle. Oui, aussi. Ce qui est encore pire. Très souvent, c'est pour ça que tu vois aussi que c'est souvent la seule sélection que le directeur gérant va aller annoncer lui-même au micro. Le restant, souvent, c'est Timmins qui va annoncer les choix de deuxième, troisième et quatrième ronde. Et Trevor Timmins, ses forces, justement, c'est d'aller te chercher des bons éléments en deuxième ronde, en troisième ronde, parce qu'il envoie du hockey. Puis il y a quand même une bonne équipe en arrière de lui. Moi, je pense pas qu'il est à blâmer. Et parce que son track record est là. Et même si moi, je te donne les meilleurs éléments, moi, ma job se termine là. Moi, un coup, si je suis Trevor Timmins, une fois que j'ai prononcé le nom de Nikita Scherbak en avant au micro, ma job est terminée. C'est au directeur gérant de s'assurer qu'on va bien l'encadrer, puis qu'on va lui montrer être un bon professionnel, puis qu'on va l'aider à se développer. Et cette lacune-là, je vais mettre ça encore sur le dos de l'ego. Parce que je pense que le plus gros problème de Marc Bergevin, c'est que je pense pas que c'est un cave. C'est peut-être pas toujours le crayon le plus aiguisé dans la boîte, mais je pense pas que c'est vraiment un crétin. Par contre, son ego le transforme en crétin. Parce que Sylvain Lefebvre, tout le monde s'entend, tout le monde le dit et on le voit. Il n'est pas capable de rien développer. Qu'est-ce que tu fais? Là, c'était ta chance. Ton club école s'en revient dans la grande région de Montréal. Tu déménages ça à Laval, dans un beau building flambant neuf. Ça serait le temps de faire comme, OK, bon, ben merci, toi, bye. Ben non, tu lui redonnes une prolongation de contrat, alors que tout le monde était convaincu que c'était la fin pour Lefebvre. Oui, puis en plus, en ce moment, ils sont pas exclus des séries, mais ils sont dans la course. Et c'est une des équipes les plus vieilles de la Ligue américaine. Elle sait qu'ils ont de la misère parce qu'il y a un maximum de 5 joueurs vétérans que tu peux faire jouer à chaque match. Et ils sont obligés de faire une rotation tellement il y en a trop. Fait que c'est un club très âgé pour la Ligue américaine. Et malgré ça, ils sont pas dans la course aux séries. Ils sont pas dans les séries, en fait, si je me trompe pas au moment de parler. Là. Non, ils sont pas tellement loin. Ils sont à quelques points en arrière, sauf que c'est ça. Fait que tu sais, c'est diamétralement... Il a comme jamais été capable de... Je partais vous dire, c'est diamétralement opposé à la situation du Lightning de Tampa Bay. Tu sais, Marc Bergevin peut bien dire, ah ben là, aujourd'hui, là, sont en très bonne position, c'est le meilleur club de la Ligue nationale, puis ils ont rien changé. Ils ont pas fait de grosses transactions. Ben, déjà, Stamkos, on l'a souligné. Mais on n'a pas mentionné que, encore une fois cette année, c'était la formation de la Ligue nationale avec le plus d'espoir qui participait au championnat du monde U20. L'an passé, c'était 5, cette année, c'était 4, si je me trompe pas. On parle de kids qui sont dans le pipeline de l'organisation, Demain matin, ces jeunes-là, ils peuvent venir prendre des places dans l'alignement ou encore être utilisés pour des transactions pour venir combler des besoins à des places. L'échange de Drouin pour le Lightning de Tampa Bay faisait 100 % du sens. Il y avait des manques en défensive, un surplus en attaque. Braden Point était prêt à prendre la place. On sacrifie Drouin. On a eu de la misère avec auparavant sur le plan salarial. Why not, Coconut? C'est un francophone en plus. Le Canadien est prêt à payer peut-être un supplément pour avoir ça. Faisons la transaction. La formation du Lightning a pris un surplus pour boucher un trou ailleurs. Le Canadien de Montréal a pris ce qu'on disait être un surplus, parce qu'il y avait deux prospects en défensive avec Mété et Yulson. Ben, même pas, on ne comptait même pas Mété à ce moment-là. On disait Yulson et Sergachev, c'est deux prospects en défensive. Ah, on a du lousse. On va échanger des prospects pour aller chercher un centre qui se retrouve à même pas être un centre. Fait que tu n'as pas augmenté le nombre de talents disponibles dans ta formation. Tu l'as simplement déplacé. Et en prime, aujourd'hui, sur le côté gauche, avec la non-signature de Markov avec la formation du Canadien, ça donne un trou béant justement du côté où est-ce que tu avais Sergachev qui était capable de venir prendre la place. On a simplement fait un déplacement de talent. Quand on parle de reset, retool, reconstruction, whatever, comment est-ce que tu veux l'appeler, l'important pour moi, c'est de multiplier les effectifs. Tu ne peux pas, dans ce genre de conditions-là, dans ce genre de situation-là, faire des échanges à un pour un. Si tu échanges Max Pacioretty, ça se doit d'être pour minimum deux éléments. Que ce soit un pic et un prospect, que ce soit deux prospects, que ce soit deux pics, m'en fous. Faut que tu multiplies les éléments que tu vas recevoir pour. Si tu échanges Plekanec... À moins que tu combles vraiment un besoin. Ben, tu enlèves quand même déjà un talent en Max Pacioretty, puis tu n'auras pas l'équivalent pour la saison prochaine. Non, ça je sais, là, mais tu sais, moi je prenais ça plus d'un point de vue. Par exemple, moi, une des échanges des dernières années, tu sais qu'on ne peut pas faire des échanges pour aller se chercher des gros, tu sais, des joueurs de centre, là, que ça n'existe pas, là. Mais moi, l'exemple que je reviens souvent avec ça, Ryan Johansson pour Seth Jones, tu as un surplus de défenseurs, il te manque un centre. OK, oui, je laisse aller un gros morceau, un prospect, mais je vais chercher un Ryan Johansson du côté de Nashville, c'est ce que tu avais de besoin. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est dans la mesure où est-ce que ton besoin, ben, en fait, le trou que tu as et le besoin, le surplus, te permet de passer à la prochaine étape. L'échange de Subban, théoriquement, Bergevin nous disait que c'était pour nous rapprocher de la Coupe. Depuis qu'il a fait l'échange, ben, force est d'admettre qu'on n'est pas plus avancé. D'ailleurs, tu parlais de des joueurs de centre, là. Des acquérir, c'est impossible. Marc Bergevin a dit ça à nouveau en conférence de presse. Il a dit que la grosse transaction pour un joueur de centre, ça n'arrivera pas. Il a bien beau dire que lui, il a pas abandonné, c'est un fighter, puis il va se rendre jusqu'à la fin, puis il veut faire les séries. Mais la patente que lui a entre ses mains, la possibilité de faire des transactions pour un joueur de centre, cette grosse mission-là, en 5 ans, il l'a pas réussi. Et il nous a déjà averti que cette année, il n'allait pas atteindre l'objectif. Fait que ce qui se passe à la glace, moi, j'ai pas vu Bergevin patiner dernièrement, là. Fait que je vois pas qu'il y a une grosse différence sur ses performances à Atlas, s'il est bon ou pas bon, s'il est là ou pas. On ne l'a jamais vu. Fait qu'il n'y a pas d'influence à la game au jour le jour. Là où est-ce qu'il peut avoir une influence, c'est en tant que DG, et il vient de nous dire que son plus gros mandat, il ne l'atteindrait pas. C'est un constat d'échec, c'est un constat d'abandon. Pour un fighter, ça part bien mal. Ouais, mais tu sais, il y a d'autres forces. C'est probablement qu'il est capable de montrer à tous les gars comment bien agencer leur paire de bas à un sou de flashy. Ou comment bencher ben trop lourd pour avoir des épaules carrées, tu sais. Aussi. Puis, ben écoute, ça c'est Michel Bouchard sur Twitter, @BouchardMichel qui tweetait ça, comme quoi, écoute, des joueurs de centre, ça s'acquiert dans la Ligue nationale. Anaheim, par transaction, ils ont ramassé Kessler, ben en fait, je dis transaction, agent libre ou transaction, ils ont ramassé Kessler et Henrique. Arizona, ils ont ramassé Stepan. Buffalo, c'est O'Reilly. La Caroline, Jordan Staal. Chicago, Anisimov. Dallas, ils ont ramassé Séguin et Spezza. Détroit, Frenzen. Frenz Nielsen. Los Angeles, Carter. Minnesota, Stahl et Coyle sont issus de transactions et de joueurs autonomes. Nashville, Johansson et Touris. New York, Zibanejad avec les Rangers. Ottawa, Derek Brassard et Matt Duchesne. San Jose, Thornton est un gars comme ça aussi. Saint-Louis, Shen et Stachny. Vegas, Vegas, je compte plus ou moins là, parce que tout le monde était acquis par autre chose que par le développement interne. Mais Marchessault et Carson et Winnipeg ont Perreault. Fait que là-dessus, là, je compte pas le nombre de gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En comptant pas Vegas, ce qui veut dire la moitié des clubs de la Ligue nationale ont acquis des joueurs de centre qui ont un impact positif dans leur équipe via d'autres méthodes que le repêchage. Un club sur deux. Ouais. Et notre dirigeant nous a dit « Ça arrivera pas. » C'est impossible, ça arrive pas. Tu sais, voyons. Le plus drôle dans son statement, c'est que ses deux premiers joueurs de centre à lui, c'est des joueurs qu'il a acquis via transaction. Ouais. Philippe Danault et Jonathan Drouin. Si on dit que Drouin est au centre. Oui, c'est ça. Mais pour lui, c'en est un, mais c'en est pas un. Bref, je suppose que pour lui, ça doit être clair. Pour moi, ça ne l'est toujours pas. Mais bon, j'imagine que pour Bergevin, c'est clair. Mais c'est juste du gros n'importe quoi encore. Là. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, tu peux dire « Je suis pas prêt à payer pour. » OK, fine. Mais, tu sais, puis encore là, quand on... Tu sais, parce que là, tu parlais du Lightning de Tampa Bay. Mais quand tu repêches bien et surtout que tu développes bien, est-ce que tu as vraiment besoin de faire tant de transactions que ça? Regarde l'alignement du Lightning de Tampa Bay. La grosse majorité de cet alignement-là, c'est des joueurs qui ont été repêchés et développés par le Lightning. Oui, tout à fait. Puis il en reste encore dans le pipeline, comme on disait tantôt. Yannick Gould, puis le kit. Oui, il y a un gars que j'ai vu jouer énormément et que je prendrais dans mon club demain matin, qui appartient à Tampa Bay. Les gens de Québec vont s'en rappeler. Adam Ernie, qui a fait son junior avec les Remparts. Il était capitaine pendant un bout de temps, lui. Oui, c'est un gars avec du caractère. C'est un, pour donner une image aux gens, là, c'est un peu un... Dans le moule de Brendan Gallagher, Andrew Shaw, tu sais, un agitateur un peu qui a toujours le nez dans le trafic. Il n'a peut-être pas les meilleurs mains du monde, mais il a le cœur grand comme la patinoire. Puis il est capable d'aller sacrer en avant du but, manger des coups, puis ramasser toute la vidange qu'il y a en avant du net, puis de juste le sacrer dedans. Fait que ça, c'en est un autre. Un choix comme un Yannick Gourde, que les gens ne parlent pas beaucoup de lui, mais qui est un excellent troisième centre à Tampa. Cédric Paquette, tu sais, la liste est longue, tu sais, les Kucherov, c'est tous des gars qui ont été draftés et qui ont été développés par l'organisation du Lightning. T'as-tu vraiment besoin d'aller vider ton club après pour patcher tous tes trous? Ben non. Tu t'auto-suffis. Oui, puis cette formation-là, en fait, comme je te disais, c'est si t'offres les munitions pour pouvoir faire ce travail-là, je pense sincèrement que Timmins est capable de le faire. Sauf que... Je suis convaincu. Sauf que la formation du Lightning de Tampa Bay, elle se dit pas à tous les années « Je dois faire les séries ». Parce que sinon, le monde ne viendra pas, puis ça fait partie de la culture d'organisation, puis c'est un choix, on doit faire les séries, parce qu'une fois en série, tout est possible. Non, c'est pas ça qu'ils se disent. Non, puis tu sais, on oublie là, que si on recule pas à 20 ans en arrière, là, juste à 6-7 ans en arrière, là, quand on parlait des équipes qui étaient susceptibles d'être vendues, déménager et tout, là, le Lightning faisait partie de ça. Il n'y avait pas personne qui allait voir des games du Lightning. Hey, je me rappelle encore, là, il y a 5 ou 6 ans, là, la fin du règne de Vincent Lecavalier et Martin Saint-Louis, quand Stamkos commençait à arriver, c'était des années de vache maigre. Il y avait des promotions, que pour 99$, tu avais 4 billets pour la game, tu avais ton parking payé, tu avais 4 bières, 4 hot dogs. Faut pas que ça aille super bien non. pour que tu offres ça. Là. Uh-huh. Tu sais, à Montréal, tu n'as même pas un billet en haut complètement pour ce prix-là. Mm-hmm. Non, c'est ça. C'est une question de mentalité. Puis je pense que le fait de vouloir à chaque année patcher, puis de faire semblant qu'on a une chance pour la Coupe cette année, puis payer, en fait, d'être dans la surenchère pour les joueurs de location à chaque date limite des transactions, c'est là où est-ce que tu es obligé de dépenser tes éléments que tu as, des prospects, parce que ça n'a pas de vie. En fait, pas des prospects, des choix repêchage, parce que ça n'a pas de visage. Ça vient couper ton pipeline. Puis que ces choix-là, tu sais, un choix de deux, là, ça a une valeur X là, qui n'est pas nécessairement très élevée. Ça vaut un Jeff Petrie qui est un troisième, quatrième défenseur. OK, mettons là. Surpayé en plus. OK? Ben, ce deuxième choix-là, si tu le repêches, tu le développes, puis qu'éventuellement il vient dans les nationales, il peut peut-être te permettre d'avoir d'autres choses, peut-être plus. Oui, peut-être moins si t'as mal sélectionné, mais comme je dis, je pense que Timmins fait une bonne job quand on lui donne les outils. Alors, on serait bien plus gagnant de laisser de la marge de manœuvre à Timmins, d'aller chercher un maximum de pics pour 2-3 ans, et après ça, tu vois qu'est-ce que ta formation a de l'air, puis tu viens patcher les trous que t'as de besoin pour être vraiment compétitif. Oui, mais je te ramène encore une fois à l'ego de Marc Bergevin. Mais oui, je le sais. Il faut que tu sois capable de mettre ton ego de côté pour donner l'espace suffisant à quelqu'un pour le laisser briller. Tu sais, pour faire comme, écoute, regarde, moi, je suis un bon leader dans une entreprise, c'est ça. Il ne se sent pas menacé par les gens qui poussent par en dessous de lui. Il va favoriser ces gens-là. Hey, vas-y. Prends ta place. Je te laisse prendre ta place. C'est ça que je veux. Développe-toi. Puis tu sais-tu quoi? Si il y a une équipe qui vient me voir parce que tu fais tellement une bonne job puis qu'ils veulent te donner une job de GM, ben ça va me faire... Tu sais, oui, ça va me faire chier de te perdre. Mais vas-y. Puis tu vas faire partie de mes fiertés professionnelles que il y a un peu de moi dans le fait que tu es rendu où est-ce que tu es rendu. Il mm-hmm. faut que tu sois capable de mettre ton ego de côté. Puis c'est clairement pas quelque chose qu'il est capable de faire. Si on sort un petit peu là, de cette conférence de presse-là, dans les derniers... Peux-tu, avant qu'on passe, il y a un autre point que je voulais parler de cette conférence de presse-là. Quand il a parlé de André Markov, qui a essentiellement dit, là, je vais le citer un petit peu croche, mais c'est presque ces mots-là, que si André avait eu un agent, ça se serait passé différemment. Donc, en gros, si André avait eu un agent, j'aurais dit à son agent toute la marde, puis André l'aurait probablement pas su. Fait que là, parce que j'ai été obligé de lui dire que c'était un ci puis un ça, ben André, il a pris ses clics et ses claques, puis il a crissé son camp. Ça manque de classe totalement. Moi, je pense pas que le Canadien aurait été meilleur avec Markov. Parce que l'an passé, il avançait pas. Il était pas exempt de critique là, l'an passé, Markov. Là. Cette année, non. Il aurait pas été le bon Dieu, là. Non, puis il y a bien de mes chums qui le savent. Là. J'ai souvent dit, moi, selon moi, André Markov, on l'a gardé au moins 50 trop. Oui. Mais, par contre, est-ce que André Markov est meilleur que Osner? Oui. Est-ce qu'André Markov est mieux que Schlemko? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que Petrie? Je te redis oui encore. Oui, mais c'est le problème. C'est pas Markov qui est tant bon. C'est les autres qui sont si mauvais. Ben oui, ça t'as raison. Mais André Markov, gars, les jambes ne suivent plus. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a une affaire que peu importe comment ton physique va se dégrader avec l'âge, il y a une chose que tu ne perds pas. Et c'est ton hockey IQ. André Markov a eu du succès parce que ça a toujours été un défenseur extrêmement intelligent et sa lecture du jeu est impeccable. Ben oui, je suis d'accord avec ça. Ben c'est ça. Est-ce que, non, il n'était pas sans faute, mais juste parce qu'où est-ce qu'il était rendu là, tant qu'à ça, là, qu'il était aussi bien de le garder, puis mêler dans un rôle moindre, André, il s'en serait foutu, honnêtement, là. Je pense qu'André Markov, puis ça, c'est une autre chose, si tu l'utilises comme il faut, il est correct. André Markov, si tu t'entêtes à vouloir le faire jouer 24 minutes par game comme l'année passée, ça ne fonctionne pas. Si tu l'utilises correctement, tu lui donnes 17-18 minutes, tu lui donnes du temps de power play, tu lui donnes moins de temps, tu sais, tu lui donnes moins ou plus de temps en désavantage, tu lui donnes un peu moins de temps à 5 contre 5, mais va t'amuser sur le power play. André Markov, je suis convaincu qu'il est capable de se faire une place avec les 30 autres formations de la Ligue. Ouais, non, je suis pas. Ah, je suis sûr et certain. Je suis tellement pas convaincu. Parce que... À un bon prix pour 2 ans, André Markov est dans cette. Mais c'est parce que, tu sais, si tu me dis à 1 million, 2 ans, pas de trouble. Tu sais, il y a toujours un ratio de salaire qui fait du sens, mais clairement, c'est pas ce qu'il demandait. Là. On parlait de autour de 6 millions qu'il voulait avoir par année. Sans les bonus. Il voulait pas que ce soit dû à des bonus de performance. Puis je peux comprendre l'orgueil du gars, mais la réalité est que ça faisait pas de sens. Mais dans sa version de ce qu'il a dit, dans la version que André a dit au journaliste du Journal de Montréal, André disait qu'il était au début, c'est vrai qu'il était pas ouvert à avoir des bonus, mais parce qu'il voulait vraiment revenir à Montréal, il était prêt à signer une entente avec un salaire garanti moindre, mais avec des bonus. Oui, peut-être. Mais c'est une question idéologique là, pour moi. C'est même pas tant le gars que... À 39 ans, tu peux pas te fier à un gars de cet âge-là pour être celui qui va pivoter ton avantage numérique. T'es pas censé devoir te confiner à ce genre d'options-là. Ça démontre pourquoi. Comment est-ce que cette formation-là, la brigade défensive, a été mal bâtie, mal réfléchie pour la réalité de la Ligue? C'est pas normal que tu te rendes à côté là. André Markov, si on l'avait échangé, comme tu dis, il y a 5 ans, 4 ans, on aurait eu un retour sur l'investissement qui aurait pu être aujourd'hui partie prenante de la défensive du Canadien de Montréal. Mais parce qu'on n'a pas fait les moves qu'il fallait quand il le fallait, on n'aura rien pour. Comme la formation des Bruins, j'arrête pas de le dire, mais Chara, ça fait, là, il n'y a plus de valeur, mais il y en avait une valeur. Il aurait été mieux, avant que Chiarelli s'en aille, d'échanger Chara pour quelque chose que de là le perdre pour rien alors qu'il n'est plus l'ombre de lui-même. Et c'est encore un défenseur qui a une place importante parce qu'il y a la stature, tu sais, un peu comme tu et dis parce avec... parce qu'il y a le hockey IQ. C'est ça, comme tu dis avec Markov, mais en théorie, il n'est pas censé prendre autant de place à un tel âge. Il serait censé se faire tasser naturellement par ton pipeline de talent qui arrive. Autre exemple, on n'arrête pas de vanter le Lightning de Tampa Bay. S'il y a bien une affaire qu'ils ont mal fait, c'est d'évaluer leur position de gardien de but. Ben Bishop, ils n'ont rien eu pour. Alors que c'est un gardien qui était aisément dans le top 10 de la Ligue, parfois même dans le top 5. Ils n'ont rien eu pour, puis il y avait Vasilevski. Si eux autres ne pouvaient pas bien évaluer Vasilevski, je ne sais pas qui pouvait l'évaluer, mais moi, là, depuis le début, là, day one de la POC, il y a 4 ans, je parlais de ce gars-là qu'il fallait donner la peau le plus rapidement possible. Il fallait en profiter justement pour générer du retour sur l'investissement avec Ben Bishop. Il aurait facilement pu générer un défenseur numéro 2 pour ton organisation puis sauver bien des problèmes pour cette équipe-là pendant des années. Ben, je suis pas nécessairement d'accord avec toi parce que Vasilevski n'était pas prêt. Oui, mais tu... OK. Tu l'aurais brûlé. Vaut mieux échanger... Tu l'aurais brûlé. Ben non, pas dans une équipe... Oui, avec, tu l'aurais brûlé. Pas avec autant de talent qu'il y a dans le Lightning de Tampa Bay, là. Tu l'aurais brûlé, JB. Ben non. Un goaler, c'est une drôle de bibitte. Un goaler, 90% de sa game est dans sa tête. On a-tu brûlé Quick? On a-tu brûlé Price? On a-tu... Tu sais, il y en a plein, là, des exemples. de gardiens de but qui ont commencé avec des rôles très importants dans leur équipe à un très à un jeune âge. Tout cas, Rask, on l'a-tu brûlé? Pas tant, là. Mais tu sais, Price, parce que on parle de Price. Price, on a passé à deux doigts de le brûler. Bob Gainey s'est entêté à vouloir garder Carey Price à Montréal. Ça l'a retardé son développement d'au moins 2 ans. Je demeure convaincu que si on avait fait la même chose avec Vasilevski, cette saison, Vasilevski ne serait pas aussi dominant qu'il l'est. Moi, je suis convaincu du contraire. Il était prêt, il avait dominé partout ce qu'il avait à passer auparavant. Et même si la première année, c'est plus difficile, le retour que tu as sur Ben Bishop, particulièrement un défenseur, aurait permis de moins exposer le gars. Le Canadien de Montréal était loin d'être une équipe étoile comme ce que le Lightning de Tampa Bay avait le potentiel d'être à peu de choses près, ce qui exposait pas mal plus le gardien de but que ce qu'on aurait vécu là-bas. C'est sûr. Mais encore là, du côté de Tampa, parce que tu repêches bien, que tu développes bien, tu n'as pas cette espèce d'urgence-là de te débarrasser de tes gars dans leur prime. Mais pour avoir la meilleure valeur marchande pour, tu peux essayer de garder le bateau à flot puis essayer de gagner avec ce que tu as parce que tu es autosuffisant. Ça a moins de conséquences qu'avec le Canadien, mais je considère qu'il aurait pu maximiser encore mieux. Mais on s'entend que c'est quand même, malgré tout, un exemple de bonne gestion de l'acné de Tampa Bay. Là. Oui, oui. Et je suis pas totalement en désaccord avec ce que tu dis, comme que je te dis, mais selon moi... T'arrêtes pas de me contredire! Oui, mais là, le timing... disons que le timing est parfait en ce moment. Là, on dirait que tout ce que Steve Yzerman et sa gang touchent se transforme en or. Ça restera pas toujours comme ça. Il y a toujours des hauts et des bas. On a juste à regarder du côté. Le Lightning de Tampa Bay en ce moment me fait beaucoup penser aux Red Wings de Détroit d'il y a quelques années, où est-ce qu'on aurait dit que tout ce que les Red Wings et Ken Allen touchaient se transformait en or. Ben là, aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe. C'est une roue qui tourne. Là, c'est plus difficile du côté des Red Wings. Éventuellement, ça va faire la même chose du côté de Tampa. Bien, les Red Wings, tout simple, et encore une fois, c'est qu'ils ont trop attendu, puis ils n'ont pas eu rien sur le retour sur l'investissement. C'est ça qui les a coulés. Puis, tu sais, on n'arrête pas. Il y a bien du monde qui font ils repêchent bien, tu sais, Jack Datsuk puis Zetterberg, mais tu sais, des choix de 7e puis de 9e ronde, tu peux pas utiliser ça comme, pour moi, là, comme qualificatif pour dire qu'une équipe repêche bien, là. Non, puis surtout que ça n'existe plus, la 7e et la 9e ronde en plus. Ben, en fait, 7e, oui, mais pas... 7e, oui, OK. Pas 8 et 9, là, ça n'existe plus. Mais regarde, s'il y avait vraiment perçu qu'il était pour être si bon que ça, ils les auraient choisis bien avant. Ben oui. Tu ne prends pas un guess de repêcher un gars en 9e ronde quand tu penses qu'il va être un joueur étoile. Là, c'est exactement ça. La science du repêchage, on sait, c'est une science qui est inexacte. Par contre... tu peux te permettre de prendre une chance avec un choix de 4e puis de 5e ronde que si ça donne rien, personne va s'en rappeler anyways, mais on va te remettre sur le nez le mauvais guess que tu as pris pour un premier choix, par exemple. Ouais. Moi, c'est pour ça que je considère que le choix de première ronde, trop souvent, les clubs manquent de guts pour oser. Tu sais, un Piqué Subban, cette année-là, tout le monde savait qu'il avait le talent pour être un choix de première ronde. Mais il y a bien des équipes qui ont passé par-dessus, qui ont été chercher des gars qui étaient destinés à être safe, mais des 3e, 4e trio, parce que tu étais sûr qu'ils étaient pour se rendre dans la Ligue nationale, puis ça paraît bien, tu sais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Dans le fond, si tu frappes pour te rendre ses buts et non pas, tu vises pas le coup de circuit à tous les coups. Dans les trucs que je voulais mentionner, par rapport à la situation du Canadien de Montréal, il y a deux affaires qui ont attiré mon attention dans les dernières semaines. Il y a entre autres, je me rappelle pas c'est qui le journaliste, mais je sais que les boys du Dans les coulisses en ont parlé. Par rapport à une stats, disait-il, était quand même très intéressante par rapport à Alex Galchenyuk, que il avait été l'attaquant le plus utilisé à 3 occasions durant la saison et que le Canadien, dans une telle circonstance, avait remporté seulement un des matchs. Là, c'était donc négatif de dire ça. On parle de 33% de réussite. Ben, ouais. Moi, j'ai fait une petite recherche. Parce que tu sais comment est-ce que j'aime les stats. Puis j'aime pas ça qu'on me bullshit. Parce que si tu compares pas, si t'as pas de base de comparaison, ça donne rien. Hey, il y a 3 games, il y en a gagné rien qu'une. Ooh, big deal. Mais si tu compares pas, ça veut rien dire. Donc, je vais te donner qui sont les attaquants qui ont. Puis leur fiche, OK? Barron a été l'attaquant le plus utilisé cette saison dans 2 matchs. Combien de victoires selon toi? 1. 0. 0. Bon. Chat et Plekanec ont eux aussi été utilisés les plus 2 fois cette saison. Chacun a un match en victoire. Fait que c'est 50%. Gachet... Hey, j'ai le goût de pleurer. Là. Tu me dis qu'il y a une game dans l'année que Plekanec a été l'attaquant le plus. Non, 2. 2. Oui, je sais. Gachelok et Dano ont été 3 fois les attaquants les plus utilisés et les 2 ont remporté seulement un de ces matchs-là. Est-ce qu'il y a du monde qui critique beaucoup Dano? Pense pas. Non. Jonathan Drouin a été 6 fois l'attaquant le plus utilisé. 3 victoires du Canadien. Donc 50%. Et l'attaquant qui a été le plus souvent utilisé, le plus utilisé du club, c'est bien sûr Max Pacioretty. 22 fois avec 9 victoires seulement. On parle de 41% de victoire. Et là-dessus, je veux amener un gros bémol. Excuse-moi. Le gros bémol, c'est que du 30 novembre au 4 janvier dernier, Max Pacioretty a été dans une disette, OK? Il marquait plus de buts. Durant cette période-là, le Canadien de Montréal a joué 14 rencontres. Je te laisse guesser. Combien de matchs Max Pacioretty a été le plus utilisé dans ces 14 matchs-là sans avoir marqué aucun but? Onze? 12 fois. Hé, j'étais pas loin, hein? Quand on dit que chez le Canadien de Montréal, c'est censé aller au mérite, mais qu'on remet ça en question puis qu'on n'est pas tout à fait sûr, en voici une belle stat. Y a-t-il encore du monde qui croit vraiment à ça? À part de Claude Julien et... Ben, c'est ce qu'on nous dit, là. C'est ce qu'on nous dit, voyons. On est censé croire ce qu'on nous dit, là. Parce que si ça marcherait au mérite, là, il y a un nom que t'as pas nommé une fois là-dedans, là, puis c'est lui qui le mérite le plus, c'est Brendan Gallagher. Ouais, c'est vrai. Il a jamais été l'attaquant le plus utilisé de l'équipe. Et si on parle de au mérite, là... Puis de guerrier, puis ouais. Ouais, lui et Dano, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. À ce niveau-là. Tout à fait. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. T'sais, tant qu'à soulever la stats, là, c'est bien beau parce que la façon que c'était présenté, c'est checker Galchenyuk, voyons, seulement une victoire sur 3. C'est pas normal, c'est pas bon, ça. Mais quand tu compares, tu te rends compte que finalement, c'est pas si pire que ça. Hein? C'est ça, il n'est pas pire que les autres. Puis il y a surtout des joueurs avec une plus grande importance qui sont qu'on ne pointe jamais du doigt, qui, eux, n'ont pas un meilleur résultat. T'sais, Paul Byron, jamais personne ne va dire « Ah, t'es Paul, mauvais joueur. » Jamais. Non. Hey, t'en veux-tu une stat qui tue, qui est arrivée comme à soir? Là? Vas-y. Si on enlève le dernier but de Max Pacioretty, là, ouais. OK, qui était son 10e de la saison, qui a été faite dans un filet de désert. Oui, by the way, je pense à tous les fois, je regarde quand Max Pacioretty score, je regarde tout le temps dans quelle situation, puis c'est tellement vrai, j'avais jamais comme focusé tant que ça là-dessus, mais il marque souvent quand le Canadien a déjà 2 buts d'avance, un but, tu sais, c'est jamais, ben je dis pas jamais, là, jamais, pour vrai, là, mais très souvent des buts qui ont plus de poids dans la victoire, là. Non, et là, t'as le fan du Canadien qui va t'arriver, parce que moi, c'est mon argument à tout bout de champ. Tu sais comment je l'aime pas, Pacioretty, là. J'ai souvent dit que lui, comme Michael Ryder à l'époque, c'est le marqueur de 30 buts le plus inutile de la LNH. Puis là, il y en a qui disent, mais regarde le nombre de buts gagnants. Mais de ces buts gagnants-là, il y en a... Je me rappelle plus la stats exacte, il faudrait que j'aille la chercher, là, mais ça tourne aux alentours de 70% de ces buts gagnants que, dans le fond, genre, c'est 3-0 pour Montréal. Max Pacioretty va aller marquer le 4e but. Puis l'autre équipe revient dans le match, genre, puis il va en marquer trois. Okay. Fait que lui, se retrouve qu'il a le but gagnant, mais il a été marqué en première période. Ouais. C'est pas, tu sais, fait que c'est ça que je dis, la statistique des buts gagnants, pour moi, ne veut pas dire grand-chose. Moi, si tu veux me parler de statistiques comme ça qui veulent dire quelque chose, c'est les game-tying goals ou les go-ahead goals. Le but pour te donner l'avance ou le but pour égaliser la marque. Ça, pour moi, c'est des stats qui veulent dire beaucoup plus que le but gagnant. Évidemment, si tu marques le but gagnant en prolongation, tu sais, là... Ben, ça en devient un. Ben, c'est exactement ça. Il n'y a pas de place à un débat là. C'est un but gagnant. Donc, tout ça pour dire que ce soir, Benoît Pouliot a marqué son 9e but de la saison. Nice! Benny Poupou. Benny Poupou! Benny Poupou se ramasse avec techniquement autant de buts que Max Pacioretty. J'aime ça. Fait, mets ça dans ta pipe, mon Max. J'aime beaucoup ça. L'autre stats intéressante qui m'est tombée dessus cette semaine, moi je suis abonné à The Athletics, que j'aime beaucoup. Le seul point négatif, c'est que c'est payant. Fait que c'est... Yeah. Quand même. Il y a des affaires de même. Puis c'est pour lire des articles puis des choses comme ça? Oui, exact. Beaucoup des comptes rendus. Marc-Antoine Godin est là-dessus. Marc Bouchard, okay. Stats avancés. De quelques-uns. Là. Pierre Lebrun écrit des textes là-dessus. Okay. C'est comme un regroupement de journalistes indépendants. Il y a pour le hockey, le baseball, le football, il y a comme pas mal tous les sports. Chaque ville, il y a une couple de journalistes. La statistique, c'est Tyler DeLowe qui l'a sorti. Puis ça va comme suit. Je l'ai déjà partagé sur notre page Facebook, mais il n'y a pas eu de réponse. Fait que je me suis dit, je vais quand même en profiter vu qu'il y a quelqu'un qui va me répondre pour l'avancer aujourd'hui. Dans la Ligue nationale, dans les 5 dernières saisons, la moyenne de buts par 60 minutes de jouer, c'est 2,25. Je dis les 5 dernières saisons, mais c'est depuis 2010-2011. Le Canadien de Montréal, durant cette période-là, on parle de 2,13, 2,21, 2,68. Ça, c'est l'année du lockout et que Subban avait gagné le Norris. 2,04, 2,21, 2,21, 2,28, 1,98 cette année. Le Canadien de Montréal est au-dessus de la moyenne de la Ligue nationale à deux occasions seulement. Ouais. Tu sais, quand on dit que c'est un club défensif qui va gagner et perdre par price, en voilà un bel exemple. Ben, tout à fait, là, parce que, tu sais, t'as pas besoin d'aller marquer 3 buts par match quand ton goaler en accorde 1,8. Par contre, l'année que ton gardien va en accorder 2,2, ben là, t'es dans le trou. C'est ça, exact. Fait que, c'est exactement ça, là, tu sais, puis Price a le dos large. Oui, je suis un de ses défenseurs, là. Mais écoute, je mets n'importe quel gardien de la Ligue au défi de venir faire son travail à Montréal avec la brigade défensive et le système en place cette année. D'après moi, il n'y en a pas 3 dans toute la Ligue qui font une meilleure job que lui. Oui, non, c'est ça. J'avais déjà lu un article, je pense que c'était TSN ou NHL.com, qui classait les gardiens de but avec les stats avancées, parce qu'il y a beaucoup de stats par rapport aux gardiens de but. Les types de buts, les types de chances dangereuses ou non, par rapport à où est-ce que les tirs sont faits, les tirs suite à des déplacements latéraux, les tirs, les chances sur les deuxièmes tirs, donc après un rebond, des choses comme ça. Puis le gardien du Canadien, Carey Price était extrêmement bien classé. Il était numéro 1, mais par loin devant. Parce qu'il fait face à des situations pas mal plus dangereuses que les autres gardiens de la Ligue nationale. Puis le taux de réussite était là. Moi, j'irai avec les sujets du public. Go! Yes! Un de tes chums, Eduardo Ponce, qui, ça m'a bien fait rire, il dit... Eduardo Ponce, dit la ponceuse. Ponce! qui nous... Ou qu'on peut appeler aussi le souverain poncif. Le poncif, j'aime ça. Qui demande, avec cette saison de misère du Canadien de Montréal, est-ce que le CH devrait commémorer la dernière Coupe Stanley? Parce que quand même, ça fait 25 ans. Ouais. Moi, je ferais des grosses célébrations. Je pense pas qu'il va en avoir. Puis Eduardo, parce que je le connais bien, Eduardo, c'était probablement le plus grand fan du Canadien que je connaissais avec moi. À l'époque, là, on se faisait des playoffs central et tout. Là. Et Eduardo, c'est la seule personne que je connais qui avait plus de gear du Canadien que moi. Là. Il avait tout. Eduardo se faisait des voyages de hockey à chaque année pour aller voir des games à l'extérieur. T'sais, un vrai fan. Ouais. Puis Eduardo a abandonné en même temps que moi après l'échange de Piqué Souban. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase de tout ce ras-le-bol-là. Fait que j'ai trouvé ça très drôle quand je lui ai posé cette question-là parce que je le sais que c'était vraiment, vraiment sarcastique. Ah oui. Moi, le seul, tu sais, j'ai pas de gear de hockey, j'ai pas, à part un jersey du Canadien de Piqué Souban. C'est la seule fois que j'avais acheté quelque chose. Tu sais, un joueur qui me faisait pour vrai vibrer puis que j'aimais voir jouer. Depuis, il est confiné à mon garde-robe puis il voit pas souvent la lumière du jour. Non, en effet. Jonathan Turcot nous demande, est-ce que c'est vraiment bon de baser la construction de son équipe sur les stats avancées? Je vais te laisser, je vais te laisser y aller. Ben, tu sais, on s'en est parlé souvent. Toi, t'es vraiment un gars de stats. Oui. Moi, je pense que les stats peuvent être là pour t'aider à prouver un point. Les stats, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Je demeure convaincu que les stats avancées ne s'appliquent pas à un sport comme le hockey. Les stats avancées, c'est merveilleux dans un sport comme le baseball, où tout est stratégie, que ta moyenne de présence sur les buts est importante. Tu sais, tout ça, là, ça s'applique parfaitement au baseball. Au hockey, ça n'a pas sa place. Déjà, avant les stats avancées, je trouvais tellement qu'il y avait trop de stats inutiles. Là, tu m'as rajouté tout le corsi, j'haïs ça. J'haïs bien ça. Fait que moi, ça, si tu me le demandes d'abord. Ça enlève le côté humain de la patente. Ça devient des machins. Ah oui. Ça, je comprends. Oui, puis je trouve que ça. C'est pas le sport qui est fait pour ça. Au baseball, oui, ça s'applique parfaitement. Je comprends pourquoi que ça a eu du succès au baseball et on le voit. À date, ça n'a pas vraiment de succès pour les équipes de hockey qui veulent se fier à ça. Casso. Bon, c'est à ce moment-ci que j'embarque. Vas-y. Okay. Je sais que c'est un de tes... Moi, premièrement, j'aime les stats. Vous le voyez, là, je compile les attaquants qui ont joué le plus de games dans saison du Canadien de Montréal. Okay? Je suis ce genre d'idiot-là. J'ai un épais. JB a toujours un fichier Excel ouvert à quelque part sur son bureau. J'ai un tableur, je suis là. Je suis prêt. Je suis sur le gun. J'attends juste que quelqu'un m'allume sur un truc. Je fais comme, Chris m'a vérifié. Oui. Si tu lances quelque chose à JB... C'est sûr, j'en reviens. C'est sûr et certain que... Deux jours plus tard, toi, tu t'en rappelleras même plus que tu y as parlé de ça. JB, t'en reviens. Hey, je t'ai monté un tableau Excel, pas très convivial, complexe, ouais. Mais tu sais, finalement, il y a comme 26 onglets avec 26 tableaux différents. J'en reviens avec des cernes, puis ouais, c'est ça. Mais JB aime ça et il est efficace dans qu'est-ce qu'il fait, là. Ouais. Moi, ce que je vais dire, c'est que peut-être que ça fonctionne pas. OK, peut-être. Peut-être que ça s'applique mal au hockey. Peut-être. Moi, j'aime l'idée d'essayer autre chose de différent par rapport aux autres. Tant qu'à chaque année avoir 2, 3, 4, 5 clubs qui, avec la méthode traditionnelle de monter un club, se plantent et se ramassent à être derniers, j'aime aussi bien me planter en essayant quelque chose de nouveau. Au moins, quand ça réussit, t'as un mérite supplémentaire. T'as eu les couilles d'aller à fond dans ton idée. La formation des Panthers, je le sais, les gens rient. Ah, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Les gens rient aussi des Coyotes de l'Arizona. Mais la réalité est que ces formations-là sont pas 100% stats avancées parce que dans la construction de leur équipe, il y a encore plein d'éléments qui datent d'avant l'instauration d'une mentalité plus stats avancées. Faites juste penser à Marc Bergevin à Montréal. Ça fait 5 ans qu'il est là et une grosse partie de son corps, de son équipe, ça vient même pas de lui. Price, ça vient pas de lui. Pacioretty, ça vient pas de lui. Plekanec, ça vient pas de lui. Ça va aller plus vite si tu dis ceux qui viennent de lui. Tu sais, fait que... Alex Galchenyuk. Puis, c'est un choix de repêchage qui émane de l'ancienne garde, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vous dire comment est-ce que c'est long avant que l'impact, l'empreinte d'un dirigeant puisse se faire sur une formation. C'est à très, très long terme. Et du jour au lendemain, oui, la formation des Panthers a reculé au classement. Les choix, la défensive, ça fonctionnait plus ou moins. Mais dans cette défensive-là, c'est pas 100% des éléments qui étaient décidés avec la mentalité des stats avancées. Il y avait des éléments qui dataient d'avant et donc qui s'imbriquaient peut-être pas super bien dans cette mentalité-là. Moi, j'ose croire que l'Arizona est un marché parfait pour ça parce que en plus de devoir dealer avec un plafond salarial très bas, c'est le genre de condition où est-ce que tu n'as pas le choix d'user de tricks, de tenter des choses différentes si tu veux être en mesure de compétitionner avec les autres. L'an passé, avec entre autres le contrat de Datsyuk, la formation des Coyotes de l'Arizona se battait avec un plafond salarial interne plus bas que le plancher de la Ligue. Parce qu'ils ne payaient pas vraiment Datsyuk. Mais ils comptaient sur leur masse salariale. Ça, ça demande une inventivité, ça demande de faire des tours de passe-passe. Et s'il y a une place où est-ce que de tenter des choses différentes, de voir ça avec un angle différent, avec les stats avancés, avec John Sheka, c'est peut-être là où est-ce que ça peut passer. Ça marche pas en ce moment. Il y a des décisions que je ne sais pas si je suis d'accord. Je suis pas. Tu sais, je suis un gars de stats, mais je suis pas stats avancés. Je suis pas capable de calculer un Corsi. J'ai pas des logiciels pour les calculer. Puis je suis Marc Bouchard entre autres sur Twitter et sur The Athletics qui monte des tableurs puis qui est un vrai professionnel là-dedans. Je suis pas à ce niveau-là. J'ai un intérêt. J'aime l'idée que tu puisses changer un sport, t'amener quelque chose d'autre, tant qu'à de toute façon finir par te faire congédier, tant qu'à de toute façon finir que tu vas peut-être finir dans la cave, dans la Ligue nationale du classement, même si tu fais la méthode traditionnelle, aussi bien essayer d'autres choses. C'est comme un genre de conte de fées qui pourrait s'écrire, tu sais. Mais admettons que ça marche, tu sais. Tu sais, tu pourrais en faire genre un film après, puis que tu appellerais ça, je sais pas moi, Money Puck. Non, mais tu comprends la patente. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, moi, c'est que quand on parle de stats avancées, de bâtir un club avec les stats avancées, évidemment, John Chayka et les Coyotes viennent en tête de liste. Oui. Mais bizarrement, moi, oui, c'est probablement celui qui s'en sert le plus, sauf qu'on dirait que même lui, il n'a pas fait le virage complet encore. Ouais. On dirait qu'il est pas comparaison boiteuse, hein, mais on va dire, on dirait qu'il est pas totalement sorti du garde-robe, tu sais. Comme oui, j'aime les messieurs, mais s'il si ressemble à une madame, c'est encore mieux. Ouais, mais quand je vois Noël dans ma famille, j'amène encore Manon. C'est ça. Tu sais, c'est juste comme, un coloc. Vas-y. Ouais, c'est ça. Vas-y, all-in, puis tu sais, essaye-les, puis on va s'entendre. Là, s'il y a une place où est-ce que si tu te plantes, personne ne va en parler, puis tout le monde va s'en sacrer, c'est bien en Arizona devant tes 18 spectateurs payants. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est ça. J'aime l'idée qu'on puisse transformer, avoir une marque indélébile sur un sport de façon positive, qu'on puisse innover. T'sais. Au moment où est-ce que Patrick Roy a commencé à faire le style papillon, là, dans le junior, puis dans la Ligue américaine, puis tranquillement, pas vite, puis il y a du monde qui devait dire, voyons, Colis, reste debout, esti. Qu'est-ce que tu fais là? Mais un moment donné, ça a marché. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler les premières saisons de Patrick Roy, même après la Coupe Stanley, quand il y a eu des saisons plus difficiles en 87 puis 88. je me rappelle encore de ce que tout le monde disait parce que j'avais 11-12 ans. Mais c'est comme, ouais, mais si, il est tout le temps en terre, Ben oui, parce qu'il a changé de quoi, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aime, c'est peut-être du romantisme par rapport à la game en général, plus que sur les individus. J'aime caresser l'idée que quelqu'un peut encore changer quelque chose dans un sport après 100 ans, tu sais. Oui, oui, puis ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, oui, j'aimerais ça le voir essayer. Moi, j'y crois plus ou moins, mais j'aimerais ça que quelqu'un me prouve que, ben non, c'est faisable, tu sais. Tu peux faire ça, là. Ben, il faut que tu donnes la chance à quelqu'un, puis l'expérience du côté de la Floride, on peut pas, tu sais, une saison, c'est pas assez, là. Ben non, puis tu sais, surtout quand dans cette même saison-là, tu te débarrasses de ton coach qui va aller gagner le trophée Adams toute la saison suivante. Tu sais, tout est du gros n'importe. La saison de l'année passée des Panthers de la Floride, là, c'est probablement la saison la plus n'importe quoi que j'ai vue dans l'histoire de cette ligue-là. Ouais. Autre question, on a Alexis Tremblay qui nous demande, croyez-vous en Bergevin quand il dit qu'il n'a pas lancé de la serviette pour de la saison? Puis, je vois, tu sais, j'en reviens, c'était quasiment mon introduction du show. Si vraiment le gars vise à faire les playoffs, soyez cave, soit il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans le fait d'être un DG et non pas un joueur. En tant que joueur, si tu n'y crois plus, si tu veux pas gagner, t'es pas à bonne place. Mais un DG, quand tu as 2% de chance de faire les séries, puis que chaque victoire t'éloigne d'un bon choix au repêchage, puis que tu vises quand même à acquérir des victoires, et boy, que je suis pas sûr que t'es à bonne place. Ben, tu sais, moi, dans sa phrase, je suis un fighter, je vais continuer à me battre et tout le kit, là, c'est parce que je pense qu'au fond de lui, là, moi, j'ai vu là-dedans, je le sens que le tapis commence à me glisser en dessous de mes souliers, puis que je suis sur le bord de me faire sacrer dehors, fait que j'ai pas le choix d'y croire, puis je vais continuer à me battre jusqu'au bout, puis parce que j'ose espérer que derrière les portes closes, quand ils se retrouvent seulement eux autres entre eux autres, j'ose espérer que l'idée de la reconstruction a déjà été soulevée. Et selon moi, Jeff Monson n'est pas prêt à faire ça pour des raisons pécuniaires. Et selon moi, je pense qu'il sait au fond de lui qu'il n'y a pas le gars ou l'équipe de gestionnaire en place pour faire ça. Fait que, est-ce que je pense que Marc Bergevin y croit encore? Je pense qu'il n'a pas le choix d'y croire parce que dans sa tête à lui, il joue sa job en ce moment. Et à partir du moment qu'il a fait l'échange de Piqué Subban-Chik, qu'on en parle tout le temps, mais c'est ce qui va caractériser son règne, comme le règne de Régent Hall a été caractérisé par l'échange de Patrick Roy. Comme celui de Bob Guiné va l'être par l'échange de Gomez pour McDonough. Ouais. Fait que je pense qu'il n'y a pas le choix. Mm-hmm. Il n'y a pas le choix de y croire. Ben en fait, il y a deux transactions phares. C'est celle de Drouin et celle de Weber. T'sais. C'est les deux qui vont avoir marqué son règne puis sur lesquels on va le juger à très, très long terme. Là. Mais moi, celle de Drouin, si tu mets ton ego de côté, que tu. Tu sais, on en a parlé le dernier show, puis probablement le soir d'avant. Si tu le mets dans sa bonne chaise, puis tu sors la tête du cul, puis tu mets Galchenyuk au centre, ça va fonctionner. Ouais. Au moins, on dirait qu'il a compris qu'il n'y a pas de chimie entre Drouin et Pacioretty. Ça ne donne plus rien d'essayer. Mm-hmm. Non, c'est ça. Au moins, ils ont compris ça. Il reste bien des affaires à comprendre. Jean-Philippe Vandal nous demande comment faire pour rendre le match des étoiles intéressant. Puis là, d'ailleurs, tu sais, Price y va, mais c'est loin d'être un bon gardien de but cette saison. Là. C'est repris, mais c'est pas écœurant. Du côté de Vegas, c'est Neil qui y va au lieu de Marchessault ou même Perron. Tu sais, il y a une couple de sélections comme ça qui sont douteuses. Écoute, la Ligue nationale, c'est un match des étoiles. Veut avoir ses stars et non pas ses meilleurs joueurs, mais. Le vrai amateur de hockey se questionne. Là. Non, mais toi, t'es meilleur joueur. C'est pas parce qu'un gars n'a pas sa meilleure saison qu'il n'y a plus de talent. Tu sais, je m'excuse, je suis le plus grand fan de Brendan Gallagher, mais qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire dans une game à 3 contre 3? Ouais, ben là, il va aller passer sa main dans la face des autres joueurs, là, dans un échauffouré qu'il va créer. Tu sais, dans le fond, si tu me poses la question à moi, qui je veux voir du Canadien dans un contexte de match des étoiles à 3 contre 3 où est-ce que le talent brut est mis à l'avant, envoie Jonathan Drouin. Ben oui, c'est ça, tu sais. Tu sais, mais est-ce que... C'est parce que les gens oublient que il y a la question du mérite et il y a la question de match des étoiles. Nous autres ici, Gallagher, on le connaît. Probablement que la majorité des fans de 20 des 31 autres équipes n'ont aucune idée qui est Brendan Gallagher. Par contre, n'importe quel fan qui va être assis dans les estrades pendant le All-Star Game, c'est qui est Carey Price. Oui, c'est ça. Avant tout, c'est une activité corporative. Disons-le pas, là. C'est une activité marketing pour la Ligue nationale. Puis moi, tu sais, ce genre de sélection-là, je les comprends. Là. Ça me dérange pas. Oui, c'est ça. Puis ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est un gros power de marketing que tu veux tes plus grosses stars qui soient là, moi, j'ai comme pas de problème. Et comme j'ai dit à un de mes amis déjà aujourd'hui, qui est fan du Canadien, j'ai dit, compte-toi chanceux, garde Gallagher chez vous. Ces 4 jours de congé-là, là, il va en avoir de besoin pour soigner ses 26 bleus qu'il y a un petit peu partout sur le corps. Oui, tout à fait. Mais, il va avoir besoin de ces 4 jours de congé-là. Oui, mais pour rendre, tu sais, j'en reviens à la question, là, pour rendre le truc intéressant, moi, tu sais, sincèrement, ce qui m'interpelle le plus, c'est le concours d'habileté. Là. C'est ce que j'ai le plus de fun à regarder. Le match, écoute, mets un ballon de plage, mais tu sais, tant qu'à ça, fais une game en bas, tu sais, du hockey en bubble, là, tu mets le monde dans des bulles, puis tu sais, fais de quoi de funny, mais voir une game à 3 contre 3, tu sais, ça marche pas. Là. Moi, sais-tu ce que je ferais? Que je pense que ça pourrait être intéressant. Tu fais un match des étoiles. Tu sais, on a eu la formule à un moment donné. Tu sais, t'avais une game que t'avais les tu sais, le même soir que t'avais la compétition de skills, t'avais la game avec les jeunes, avec les recrues. Ben, moi, je ferais une game un peu comme à la dernière Coupe du Monde. Si tu fais une équipe avec les moins de 23 ans, les moins de 25 ans, contre le reste des vedettes de la Ligue. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Il y aurait cette espèce de les jeunes qui voudraient se prouver, tu sais, qui veulent prouver qu'ils ont leur place là, puis les plus vieux, à quelque part, je dirais, hey, c'est pas toi le kid qui va nous monter. Ouais. Tu viendras pas me danser d'en face demain. Écoute, je pense que tu me fais penser. C'est la seule façon qu'il pourrait y avoir un petit peu un simili en jeu. Ouais. Écoute, mettons qu'on veut que ça soit divertissant, mais que ce soit plus intense sans être hypothéquant pour les joueurs. Pourquoi pas faire genre les 25 ans et moins et les plus vieux, là, les All-Stars, il y a 2 conférences, tu peux faire 4 équipes, puis tu fais un mini-tournoi, mais tu sais, pas des matchs complets, là, un match d'une période de 30 minutes, puis ouais, c'est bonsoir, tu sais. Au total, un joueur pourrait au maximum être sur la glace pour l'équivalent de... Tu vas être le maximum de buts. Chaque équipe qui compte le plus de buts dans son match. Fait que tu as deux matchs de 30 minutes au maximum par joueur. Puis merci, bonsoir. T'as une heure et demie de hockey. Puis merci, bonsoir. Là. Non, puis tu sais, je pense que ça pourrait être plus intéressant. Tu sais, t'aurais des kits de l'Est contre les All-Stars de l'Ouest et vice-versa pour la première game de 30 minutes chacun. Puis après ça, la finale, c'est... Puis moi, je ferais même pas de conférence. Moi, je ferais vraiment une équipe de U23 ou U25 ou whatever. Puis une équipe de les plus vieux. Puis go! Allez-y! Ben, moi, je me semble que ça ferait, tu sais, une compétition d'avoir un objectif de « Hey, je suis dans lequel, là, je suis le meilleur ou pas le meilleur, mais... » Je pense qu'il n'y a pas de façon de présenter du hockey intéressant si tu n'as pas tous les règlements, si tu n'as pas tous les enjeux. Puis Ben c'est sûr que du hockey, pas de contact, c'est pas la même chose. Mais par contre, oui, tu vois une avalanche de buts. Puis oui, les goalers feront pas, tu sais, ils risqueront pas une blessure pour l'arrêt in extremis. Puis tu sais, oui, mais par contre, là, quand tu t'assois et tu regardes, là, quand tu aimes le hockey et tu aimes la vitesse d'exécution, que tu aimes les beaux jeux, à toutes les deux minutes, tu vois un jeu de passe en tic-tac-toe, pac, pac, pac, pac, pac, paf, un but. Assis-toi et regarde ça, puis apprécie la vitesse d'exécution et la précision de ces gars-là. Ouais. Oui, c'est pas du hockey, mais techniquement, là, ça revient à la base du hockey comme on a tout appris à le jouer. Tu sais, dans la rue, drop une puck, on s'amuse. Ah oui. Fait que tu sais, à la limite, moi, je mettrais même pas d'arbitre. T'en as quasiment pas besoin. On refait pas une mise au jeu. Redécolle ça en arrière du net, puis merci, bonsoir, tu sais. Exactement. On roule ça, un vrai 60, puis on termine ça, merci, bonsoir, tu sais. Oui, puis... Une autre affaire qui serait le fun, c'est, en plus de tout ça, là, la LNH veulent les classiques héritage, puis les classiques hivernales, whatever. Fais donc ta game des étoiles dehors. Tu fais tout ça dehors dans un beau grand stade. Là, tu fais vraiment un happening incroyable. Ouais, puis tu sais, la glace, la qualité influencera pas des points au classement. Non, puis la qualité de glace, en ce moment, là, ça fait au moins 2 ans là, que les gars sortent de la glace puis ils disent tout, hey, la glace était merveilleuse. Tout, le seul problème, c'est quand il fait trop soleil, là, ils ont de la misère à avoir la pote. Là. Ouais. Mais t'sais, ça, tu commences tes games plus tard, puis ça finit là. Ben oui. Mais non, moi, j'aimerais ça. Tu ramènes ça à la base, les gars dehors, puis let's go, on y va, puis tu sais. Il me semble que ça ramènerait ça. Moi, là, si ça fait une game de Rollerblade comme dans les Mighty Ducks 2, je serais content. Avec le Flying V en bonus? Ouais. Ben, quoi que le Flying V à 3 contre 3, c'est pas super spectaculaire. Moi, avec une poubelle sur le côté en arrière, là. Ouais. Merci, bonsoir. Pas de gardien. Ouais. Puis, tu pourrais les mettre une par-dessus l'autre. Question que si t'as mets dans celle du dessus, ça vaut 2 buts, tu sais. Mais mettre quoi de funky, là, gars? Anyway, là. T'attaches ton goaler pareil comme Goldberg. Exact. Si tu fais un remake de les Mighty Ducks 2, je suis de bonne humeur. Stéphane Galland nous demande, selon vous, qui Bergevin va échanger à la date limite des transactions? Parce que là, nous autres, on a donné notre avis sur qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place. Qu'est-ce que le Canadien devrait faire? Là, soyons Bergevin, soyons dans le domaine du plus réaliste. Qui pourrait quitter le Canadien d'ici la fin de la saison? Ben, moi, je pense qu'encore une fois, les gens vont être déçus parce que je crois que Bergevin va demander la lune pour qu'est-ce qu'il y a, mais il n'est pas nécessairement en bonne position pour négocier. Il n'a pas une assez bonne réputation avec tout le monde. Je pense qu'il va essayer d'avoir trop pour Max Pacioretty. Comme ça me fait rire quand que j'entends que Bergevin voudrait échanger Max Pacioretty pour essentiellement un joueur comme Max Pacioretty, mais de 23 c'est ans. C'est ça. C'est qui le GM épais qui va y faire ça? Max Pacioretty contre Anthony Manta. Tu sais, bon deal. Tu sais, voyons. Qui va faire? Ah, ben oui, écoute, je vais te donner un gars qui me donne la même production, mais qui a 5 ans plus vieux, puis que dans 2 ans, il va me demander un salaire 6 fois plus haut que l'autre. Ben, c'est un méchant de bon deal. Voyons donc. Moi, je pense que les gens vont être déçus. Parce que il y aura pas ces mouvements-là. Ouais. Moi, je regarde, tu sais, j'ai mon cap friendly en avant de moi là. Plekanec va partir et va dire Ben. Je suis convaincu que c'est champ gauche un peu là, mais je suis sûr que s'il y a un des gars qui part, ça sera un qui aura pas été dans les discussions. Peut-être un Paul Byron qui pourrait. Mais il reste 2 ans. Il n'y a pas. Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas. Si tu es intelligent avec ton cap, tu veux le garder hein? parce qu'il t'en donne là, pour ce qui te coûte. Là, il t'en donne. Tu sais, Daniel Jody Carr ben, pourrait partir, tu sais, qui est à la dernière ouais. année de son contrat, mais un De La Rose aussi. Tu sais, rien de. Ben, De La Rose, ça a l'air être le chouchou à M. Patate. Fait que. Fait que Murrow va rester. Il y a des. Ben, qui va en vouloir? Niemi pourrait être échangé. Ben oui, tu sais, après, en tout. Ça, c'est un autre bel exemple de n'importe quoi, là. Mais. Ils ont sauvé un année de contrat. C'est le seul avantage. Ouais. Hein. Encore là, il sauve une année de contrat d'un contrat que c'est lui-même qui a donné. C'est comme toujours ça. Ben oui. C'est toujours des échanges pour corriger ses propres gaffes. Mais Al Montoya, son contrat de 2 ans, c'était pour pouvoir protéger Price. Ben oui. Fait qu'il s'était peinturé dans le coin first par rapport à Price. C'était le seul gardien qui avait un contrat. Puis là, ils ont fait comme, ah shit, faut que je donne 2 ans. Ben, en fait, Montoya, il aurait eu 1 an normalement, mais il a, sachant la situation du Canadien, il a poussé pour avoir 2. Il l'a eu. Puis là, il a réparé son erreur en l'échangeant à Montoya pour garder Niemi, pour après ça donner la chance à l'autre. McNiven. Comment ça s'appelle? Lindgren. Oui. T'sais, excuse-moi. Fait que tu sais, on a fait 3 étapes pour arriver à quelque chose qui aurait pu être dealer day one il y a 2 ans. Mais, en tout cas. Mais c'est ça. Quand tu. Tu sais, avant c'était Boudaï. T'sais, on aurait pu garder Boudaï. Boudaï est-il si moins bon que ça que Al Montoya puis Niemi? Je pense pas. Là. Non, puis Boudaï dans un. Tu sais, c'était un des bons auxiliaires dans la ligue. Là. Ah ouais. Tu sais, il y avait une belle chimie avec Price. Il aidait beaucoup Price. C'est ça. Moi, je suis comme pas mal sûr qu'il se passera pas grand-chose. Non, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est une affaire. Je pense que c'est la première époque de la saison. J'avais dit à Jerry, tu sais, Plekanec, soit il va finir son année avec le Canadien, ce qui veut dire que le Canadien va faire les séries, puis on va être pogné avec, tu sais, on va l'avoir payé jusqu'au bout, ou on va l'échanger, mais ça veut dire que le Canadien fait pas les séries. Fait que dans les deux cas, Plekanec, c'est de la marde. Ben, moi, je vais te dire mon opinion là-dessus. Selon moi, non seulement Montréal ne fera pas les séries, mais ils vont re-signer le beau Tomache. Ben, si c'est 2 ou 3 millions, je suis correct avec ça, moi. Parce qu'il y a quand même des vocations défensives qui le remplit bien. C'est juste à 6 millions, ça fait pas de calice de sens. Non, ça fait pas de sens, mais même à 2 ou 3 millions, c'est. Il fait partie du cancer de cette équipe-là. Oui, non, il est beige. Ah, il est même. Ah, ouais, c'est ça. Dernière question du public. Martin Houle qui nous demande notre opinion sur la sélection canadienne. T'as-tu vu passer ça? C'est sorti aujourd'hui. Les gardiens de but, Scrivens, Poulin, Peters. En défense, ben, Elliott. Veux-tu que je les nomme toutes? Non, je suis correct. Okay. Hey, j'ai tellement hâte aux Olympiques. Moi, man, je me. Je capote. J'ai hâte de me lever à 4 heures du matin pour regarder Max Lapierre. J'ai vu ça, là. J'ai eu un petit bonheur. Moi, être franc, là. C'est ça. J'ai repartagé cette image-là sur mon fil Facebook avec. Tu sais, c'était le tag que j'ai mis. C'est comme, hey, j'ai tellement hâte aux Olympiques. Avec le hashtag que les ceux qui me connaissent savent que c'est mon expression, avec un suce ma marde Batman. Parce que, écoute, je peux pas croire. C'était tellement une belle plateforme de promotion pour sa ligue. Oui, je comprends. Regarde aux derniers Olympiques, c'est Tavares qui a été blessé, je pense, puis que les Islanders ont perdu pour toute l'année. C'est des choses qui arrivent malheureusement, mais mon Dieu, c'est une belle façon. Tu sais, puis la Ligue arrête pas de dire qu'ils veulent, tu sais, qu'ils veulent essayer de dépercer en Chine. Tu sais, il y a un beau bassin de 1 milliard de personnes qui est là, puis tout d'acquit. T'es à côté, là. T'es dans le même fuseau horaire ou presque, là. Vas-y donc. Ben non, je ne comprends pas ce move-là. Puis, tu sais, l'alignement en tant que tel, là, si on revient à ça, là, moi, je comprends pas Team Canada de pas avoir juste greffé un ou deux vétérans, même s'ils sont pas écœurants ou bons, là, mais tu sais, juste pour encadrer, mais de garder les kits du U20. Eh oui. Cette équipe-là a le momentum, le coaching staff est déjà assemblé, t'as déjà tes leaders, t'as déjà un alignement de formation, les stratégies sont mises en place, puis les kids peuvent juste s'améliorer. Alors que ceux qu'on a sélectionnés, qui sont plus dans la Ligue nationale, peuvent juste pas s'améliorer. Ils peuvent juste aller en diminuant. Ouais, mais comment tu vends ça à des clubs juniors? Que, hey, tu n'as pas eu ton meilleur joueur pendant 2 semaines, ben on va te le réenlever pendant 2 autres semaines. Ben, tu fais des compensations financières pour la Ligue nationale. Comme quand un choix de première ronde s'en va dans la Ligue nationale dès la première saison, il y a une compensation financière. Là, c'est. Ouais, mais tu sais, toi, tu as tes billets de saison à. Avec l'Armada ou whatever. Ouais, mais justement, t'es a acheté parce que tu te disais, hey, je vais voir tel gars, puis tel gars, puis tel gars. Puis finalement, t'es père pendant 1 mois, pas pour des blessures, juste parce que ça m'en joue. Je comprends. Et oui, ça, est-ce que j'aimerais mieux voir ça que de voir l'équipe qui a été mise sur pied? Évidemment que oui. Mais, dans la logique de tout ça, je comprends pourquoi que ça se fait pas. Puis, tu sais, l'expérience pour les kids, tu sais, un truc complètement farfelu. Oui. Puis, je suis convaincu que, tu sais, Canada fait ça, ça emboîte le pas, là. Tu sais, les États-Unis peut-être le feraient. Tu sais, en tout cas, moi, j'aurais eu pas mal plus de fun. J'aurais eu plus le goût de me lever, mettons, à 4 heures du matin pour regarder ça, là. Oui, mais encore là, gars, si tout le monde emboîte le pas, ça veut dire que finalement, tu te retrouves avec un deuxième tournoi U20. Mais c'est-tu les meilleurs joueurs disponibles ou non? Parce que si on pense aux meilleurs joueurs disponibles, moi, je pense que c'est les gars du U20. Là. Ouais. Écoute, c'est questionnable. On pense aux U20, mais il y a des joueurs de la Ligue américaine qui, eux autres, étaient accessibles à y aller, là. Oui, mais ça appartient à LNH. C'est ça. Mais c'est pas un gros club. Ont-ils des chances de gagner? J'en ai aucune idée. On sait pas plus les autres joueurs. Moi, je suis le hockey là, quotidiennement. Là. À chaque jour, je m'informe sur le hockey. Et Matt Robinson et Carl Stollery, pour ne nommer qu'eux là, en défensive, j'ai aucune idée c'est qui. Non, c'est ça, mais... Il y en a une couple là, que j'ai une idée. Là. Chris Lee, j'ai une idée. Stéphane Elliott, il a passé dans l'organisation de l'Avalanche. René Bourque. Hey, René Bourque! Chris Kelly, on sait c'est qui. Brendan Cousin, je sais c'est qui. Derek Roy, Linden V. Mason... Il y en a une couple, là. Mais Matt Robinson, aucune idée. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais moi, j'étais déçu que Pat Traverse n'ait pas fait cette équipe-là. Là. Ah ouais? Il me semble que j'aurais aimé ça voir Pat Traverse du haut de ses 47 ans. Avec André Redlight Racicot dans les buts. Ça aurait été malade. Incroyable. Là, je me serais levé à 4 heures du matin. Clairement. Avec mon chandail de Racicot. Yes! Ou de Traverse. Ça aurait été malade. Patrick Traverse, j'ai sa fiche, là. Dernière saison, c'était en Allemagne en 2011-2012. Il a roulé sa bosse longtemps, puis notre ami Pat. Tellement, oui. Tellement. Tu sais, on a tout un joueur obscur qu'on aime citer de même. Ça, c'était le joueur Eduardo Ponce et moi, justement, celui qu'on parlait un petit peu plus tôt. Là. Ah ouais? Pat Travers, ça... Pourquoi un tel amour envers Patrick Travers? Ou encore ben, une telle ironie envers Patrick Travers? Ben, je sais pas. Moi, c'est un peu comme... j'ai toujours eu cette espèce d'amour-là pour lui, pour Mike McPhee, pour Jean-Jacques Daigneault. Tu sais, des gars qui étaient capables de bloquer des slapshots avec leurs sourcils ou leurs moustaches. Pour moi, là, ça, c'est un gros must. Ça vaut beaucoup. C'est bon. C'est ça. J'aime ça. Écoute, Sylvain, sur cette succulente anecdote de Patrick Travers, c'est ce qui va compléter le show de cette semaine. Un gros merci pour ton temps, puis ton expertise et ton respirage fort. Mais oui, excusez. Est-ce que les gens, y a-tu des places où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Veux-tu plugger des trucs? Pas vraiment. Non. OK, c'est bon. Tu sais, je suis plate de même. OK, là, c'est bon. C'est ça. Moi, de mon bord... Mais suivez-nous sur La POC. Ben oui, sur Facebook et sur Twitter. Twitter, @LaPocPodcast. JB Gagné sur Facebook et @GangJ_B pour ce qui est de Twitter. Mes autres projets, le magasin général, on revient la semaine prochaine. Moi et Nicolas Thibault. Et aussi La Réalité Augmentée que j'ai enregistré tout juste avant l'enregistrement de La POC. D'ailleurs, j'ai juste le temps de montrer le show. Wow, ça va être bon. Fait que voilà, c'est ce qui complète le show de cette semaine. Merci Sylvain. Toujours un plaisir. Merci Jerry. Alors, salut, il est pas Jerry. Là. Il est pas là. On t'aime Jerry. Espèce d'enfant fait faible. Fait que c'est ça. À la prochaine tout le monde. Bye bye. Oh, for sale.